Environ une fois par mois, nous faisons notre émission libérée. Vous savez, cette émission où l'on parle des retours sur les émissions précédentes, où on fait un blog audio, où l'on a un super invité. Et depuis que l'on a rencontré la grande prêtresse de l'ordre des coulisses, aussi appelée Julie, je n'ai pas grand-chose à faire, elle nous prépare cette merveilleuse émission aux petits oignons. Vous êtes dans l'une de ses créations, Podcast Science 167, et nous sommes le 19 mars 2014. Bienvenue! Sommaire de cette émission. L'interview de Nicolas Revoy, d'abord, fondateur du journal de la science. Il n'y aura pas la réponse au quiz du mois cette semaine, mais au prochain quiz. Donc on va juste faire un rappel sur le quiz du mois. On entendra un blog audio à trois voix. Un rapide retour sur les émissions précédentes. Des messages divers et variés. Le pitch de la semaine prochaine par Robin. Il doit être en train de l'écrire maintenant sur un coin de table. On entendra une quote. Et quelques plugs et annonces. Alors, petit tour de table. D'abord, donc, nous avons notre invité Nicolas Revoy depuis Paris. Bonsoir à tous. Depuis le meilleur coin de Paris, à savoir au sud de la Seine. On a Alan depuis la Suisse. Salut. Bonjour Alan. Bonjour. Robin de Paris. Du vrai Paris, donc au nord de la Seine. Paris du nord de la Seine, le mauvais Paris. Irène depuis la Californie. Bonsoir tout le monde. Qui géographiquement est au sud de la Seine, je dirais. Oui, certes. Julie depuis l'ordre des coulisses, moi-même depuis Paris, et puis David qui est banni pour monter l'émission d'il y a deux semaines, et Robin n'a pas voulu bannir avec lui, comprenne qui pourra. Et bien pour commencer, on va directement passer à l'interview de Nicolas Revoy, et je laisse la parole à notre ancien dictateur en retraite, Alan. Merci Tup. D'abord, bonsoir Nicolas, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Alan, bonsoir à tous. Donc Nicolas, on s'est rencontrés entre guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts là, personne ne peut les voir, sur Google+, dans notre tentative de communauté Podcast Science, dont on n'a jamais vraiment pris le temps de la faire vivre. Malheureusement, on ne s'en occupe pas comme il faudrait. Et pourtant, des news scientifiques y arrivent régulièrement, sourcées, vérifiées, et la plupart de chez toi. Alors d'abord, merci pour ça. Avec plaisir. Et puis si tes sources sont vérifiées, qu'elles sont sourcées, enfin qu'elles sont rigoureusement professionnelles, c'est pas un hasard. On va tenter de te présenter rapidement. Donc tu es journaliste scientifique, tu es ancien membre de la rédaction de Science et Vie, et tu as été pris d'une drôle d'idée en 2011, tu as fondé le Journal de la Science, qu'on trouve sur le web, donc à l'adresse journaldelascience.fr. C'est juste jusque-là, je dis pas trop de bêtises? Non, c'est ça, tout à fait. Ok. Bon, fonder un journal en 2011, ça semble déjà extrêmement audacieux, mais un journal de science en plus, c'est carrément gonflé. Tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet? Comment est née cette idée? Bah effectivement, c'est un choix complètement irrationnel qui a germé dans mon esprit quand je travaillais à Science et Vie. À cette époque-là, en 2000, c'était en 2007-2008, fin 2007. Je m'occupais de la rubrique neurosciences, sciences du cerveau, c'était un peu mon dada, et je faisais ça depuis plusieurs années à Science et Vie, et j'avais beaucoup de plaisir à faire ça, mais j'avais aussi envie de lancer des choses moi-même. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste, à un moment donné, forcément on est inféodé au choix de la rédaction, on n'est pas libre de ses mouvements, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut, et il se trouve que fin 2007, en fait, EMAP France, qui possédait Science et Vie, a été rachetée par Mondadori, autre groupe de presse d'origine italienne, et j'ai eu l'occasion en fait de partir de Science et Vie pour lancer le média auquel je pensais depuis longtemps, à savoir le Journal de la Science, un média consacré à l'actualité scientifique, destiné au grand public et disponible gratuitement sur Internet. Voilà pourquoi je suis parti très brusquement de Science et Vie, 3 jours avant la fin du délai pour signaler le désir de démissionner. Ça a été vraiment un coup de tête. À l'époque, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant. Entre-temps, je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, donc parfois maintenant, ça m'arrive de me demander pourquoi j'ai fait cet acte un peu bizarre, mais enfin voilà, en tout cas c'est fait, je ne peux pas revenir en arrière. Donc tu as dit que c'est un journal qui s'adresse au grand public? Absolument, c'est ça, c'est vraiment destiné au grand public curieux des choses de la science. Je suis moi-même un non-scientifique, je suis un passionné de vulgarisation scientifique. Avant de travailler à Science et Vie, je n'étais même donc ni scientifique, ça je l'ai dit, mais même ni journaliste. J'étais simplement un amateur de science. qui achetait Sciences et Vie ou Sciences et Avenir de temps en temps, ou la recherche pour la science quand il y avait des sujets intéressants également. Mais je suis vraiment je crois que je ressemble beaucoup au lecteur du journal de la science, dans le sens où je suis vraiment le naïf qui a envie de se cultiver un petit peu en matière de science. Et c'est en travaillant à Sciences et Vie que j'ai appris finalement le métier de journaliste scientifique. J'avais pas de diplôme de journaliste à l'époque, donc je l'ai passé en validation d'acquis en fait au CELSA. J'ai un master 2 en journalisme maintenant, mais que j'ai acquis comme ça, donc grâce à mon expérience professionnelle et non par des études. Et c'est un atout aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand je discute avec mes lecteurs, je me mets facilement à leur place, parce qu'en fait, je suis à leur place. Ouais. Juste pour être plus précis, t'as arrêté les sciences quand ? J'ai jamais fait d'études en sciences. En fait, moi, j'ai pas fait d'études du tout. Après le bac, en fait, ce qui était un bac scientifique quand même, j'ai travaillé tout de suite. En fait, parce que j'avais envie de travailler. J'avais pas envie de continuer les études. Et voilà, j'avais envie d'être dans le concret. Du coup, ça m'a offert beaucoup d'opportunités, bien évidemment, mais ça m'a aussi, contraint à ne pas faire d'études. Et c'est pour ça que j'ai passé cette validation d'acquis justement en cours de route. Donc, quand je suis arrivé à Sciences et Vie, si vous voulez, bon, j'avais un profil un petit peu atypique, hein, pas journaliste, pas scientifique, mais passionné par la science. Donc il m'a fallu creuser mon trou un petit peu plus longtemps que les autres journalistes, mais au final ça a quand même marché. Puis quand je suis parti, avant de partir, je produisais beaucoup de dossiers de couve à Sciences et Vie. Donc j'avais creusé mon trou, j'avais réussi à le creuser, même si ça avait pris un petit peu plus de temps, n'ayant pas évidemment les diplômes requis pour cela. Bon, t'es officiellement mon nouveau meilleur ami pour la vie. Le lectorat du journal de la science, d'après ce que je comprends, enfin, je vois plein de points communs tout à coup avec l'initiative qu'est Podcast Science. En somme, c'est les gens, enfin, c'est toi avant de te spécialiser, quoi. C'est des gens curieux, intelligents, mais qui n'ont pas forcément un background académique. Exactement. C'est des gens qui s'interrogent sur eux-mêmes et sur la place qu'ils occupent dans le monde, en fait. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en regardant ce qui buzz facilement sur Facebook, par exemple. C'est un indice excellent, parce que il y a des choses qu'on publie sur Facebook, des actualités dont on s'aperçoit que le taux de viralité est extrêmement faible, et en revanche d'autres connaissent un taux de viralité beaucoup plus fort. Pourquoi ? J'ai essayé de rationaliser un petit peu tout ça, et j'en suis arrivé à cette conclusion qui est celle que je viens d'énoncer, à savoir que les gens utilisent en fait les informations, enfin l'actualité scientifique, comme l'occasion de se questionner sur leur existence propre et sur leur place dans le monde. Paradoxalement, ils ne demandent pas à ce que la science réponde à toutes les questions. Au contraire, même parfois, ce qu'ils aiment, c'est que la science leur dise qu'elle ne sait pas tout, justement, et qu'elle conserve une forme de mystère par rapport à la vie, tout simplement. Et donc, voilà, les motivations principales qui sont à l'œuvre chez nos lecteurs, c'est ça, c'est se questionner par rapport à qui ils sont, où ils vont, et quelle est la place qu'ils occupent dans le monde. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la rédaction ? Déjà, nous présenter ton équipe en quelques mots, c'est des autodidactes comme toi ? Alors, il y a la plupart, c'est des pseudonymes, en fait, parce que c'est des gens qui travaillent ou en télé ou en presse écrite en journalisme scientifique. D'accord. Donc, eux, ils ont des diplômes. Hein. Moi, je suis le seul à avoir passé mon diplôme en cours de route. Ils ont un parcours plus académique. Ils sont assez bien. Enfin, ce sont vraiment des bons experts, des bons spécialistes de leur domaine. Il y a Alain Tranet, qui est plutôt orienté santé. Il y a Patricia Courant, qui est orienté physique techno. Julia Ram, qui fait tout ce qui est éthologie, psychologie, sciences du cerveau, un peu d'environnement également. Voilà, c'est les trois principaux alter ego dont je dispose pour produire le contenu du journal de la science. D'accord. Je crois que Robin a une question concernant les rubriques et les collaborateurs. Ouais, je suis du coup allé voir la page que je ne connaissais pas. Enfin, je suis sûrement déjà tombé dessus, d'ailleurs, le journal de la science dans mes différentes recherches floues sur Internet. Et je vois qu'il n'y a pas de rubrique de maths. Ah, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Effectivement, il n'y a pas de rubrique de maths parce que c'est très difficile à vulgariser. C'est un peu comme la chimie. En fait, alternativement, on me pose la question pourquoi il n'y a pas de rubrique chimie, pourquoi il n'y a pas de rubrique maths. C'est deux disciplines qui sont extrêmement difficiles à vulgariser. Peut-être les maths encore plus que la chimie. C'est extrêmement abstrait. Le problème, alors à l'exception de peut-être les problèmes géométriques, il y a des problèmes géométriques dont l'énoncé est très simple à comprendre, même si la démonstration est très difficile à opérer, qui peuvent être vulgarisés. mais tout ce qui est, par exemple, je sais pas, tout ce qui est lié à l'algèbre, les groupes de Lie, etc., essayer de vulgariser cette chose-là, très honnêtement, c'est pas évident. Et c'est pour ça, en fait, que il y a pas de rubrique maths, parce que c'est très, très, très difficile à vulgariser, et que moi-même, ou mes collègues, sauf Maxime Weil, qui fait tout ce qui est astrophysique et que j'ai oublié tout à l'heure dans la présentation de l'équipe, lui, il est assez branché maths, mais les autres, et y compris moi, on n'est pas branché mathématiques spécifiquement. Et donc, il y a beaucoup de publications, si vous voulez, qui sortent, dont l'énoncé est complètement obscur, et on se voit mal vulgariser ça, parce qu'en fait, nous-mêmes, on aurait besoin de plusieurs journées pour lire la publi et surtout appeler le chercheur pour qu'il nous explique ce qu'il a raconté dans sa publication. Donc, tout ça fait que, en fait, on n'a pas les moyens humains et temporels de traiter cette discipline-là, malheureusement. Et on laisse ça à Sciences et Vie, Sciences et Avenir, et peut-être surtout aussi et surtout pour la science et la recherche qui, eux, ont le temps et les moyens humains de faire de beaux sujets en mathématiques. Ça casse complètement mon hypothèse, parce que moi, des matheux qui sont capables de vulgariser, j'en connais un paquet, mais ils sont ingérables. Je me disais, c'est logique finalement de ne pas avoir de matheux dans sa rédaction, ça rend les choses impossibles, mais donc c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que les mathématiciens sont un petit peu particuliers. Mon père est chercheur en mathématiques. C'était quelqu'un, je l'ai vu à l'œuvre, hein, maintenant il est à la retraite, mais quand il travaillait, j'ai bien vu comment il était. C'est des profils très particuliers, les mathématiciens. C'est vrai qu'ils sont pas forcément faciles à gérer et difficilement compréhensibles, pour les gens non mathématiciens. Non, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est vraiment, et je le dis très, très franchement, de façon très transparente, c'est un problème de complexité et de difficulté. Et en fait, tu y es pas opposé. C'est juste que t'as pas encore trouvé des gens pour participer à ton journal qui se proposait à le faire, quoi. Complètement. Si parce que en gros, si je peux me permettre, Podcast Science, c'était un peu pareil avant qu'il y ait des auditeurs qui râlent et qui se proposent de faire des dossiers sans citer personne, quoi. C'est ça. Nico Tup est un matheux, Robin est un matheux aussi. On a dans la chatroom LJJ qui tient l'excellent blog. J'arriverai jamais à dire le nom sans me planter. C'est Chou, Romanesco, Vachkiri, Intervalle, Curviline. C'est ça. Intégrale. Et chaque fois, je me fais avoir. Ouais. Et qui est un grand spécialiste des mathématiques des toilettes. Il faut le dire. C'est ça. Enfin, on te les prête, hein, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Ah, mais si ça les intéresse vraiment, c'est avec grand plaisir. C'est vrai qu'effectivement, on n'a pas rencontré de journalistes d'accord intéressés par l'idée de vulgariser les mathématiques. Et surtout, capable de le faire, parce que je pense que c'est vraiment pas facile. Ouais, non, c'est vrai. Parce que vous, le critère pour participer au Journal de la Science, c'est d'être un journaliste, c'est ça ? Non, absolument pas, même si dans la pratique c'est le cas. C'est simplement d'avoir envie, d'avoir une expertise, c'est le plus important, et d'être capable de réagir à chaud sur l'actu, parce que c'est ça qui compte pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire par avoir une expertise ? Parce que, en gros, toi qui l'as créé, t'avais aucune expertise officielle. Ben, en fait, alors quand je l'ai créé, je sortais de Sciences et Vie, donc j'avais une expérience en journalisme scientifique. D'accord. De terrain qui était importante, puisque j'ai passé pas mal d'années à Sciences et Vie. Mais en revanche, quand je reprends l'exemple de Sciences et Vie, quand je suis arrivé à Sciences et Vie, j'avais pas d'expérience, j'avais pas d'expertise. J'étais juste un passionné, en l'occurrence, des sciences cognitives, neurosciences. J'avais lu plein de bouquins, mais j'étais un type à la FNAC et cachais des livres en neurosciences, mais c'est tout. Mais c'est pour ça que je viens dessus, en fait. Quand tu dis une expertise, je me demandais ce que ça voulait dire, parce que j'avais l'impression que justement, ce que tu valorisais, c'était plus une passion que une expertise au sens académique classique du terme, quoi. Ah oui, ouais, je parlais effectivement d'expertise, pas diplômée, diplômante, mais d'expertise concrète de terrain, de gens qui se sont intéressés à des problématiques et qui ont lu des livres parce que ça les intéresse. Et encore une fois, c'est pas du tout corrélé au diplôme. D'accord. Ok, revenons un petit peu sur la rédaction. Comment est-ce que vous êtes organisé déjà ? Est-ce que c'est une vraie rédaction physique ? Vous vous retrouvez tous les matins quelque part ? Vous avez des bureaux ou bien tout se passe sur le web ? Non, j'aimerais bien qu'on ait des bureaux et qu'on puisse se retrouver au même endroit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mm-hmm. La raison principale, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour ça. On ne peut pas louer des bureaux. La participation en fait, au Journal de la Science est bénévole. C'est un fait important que j'aurais dû signaler d'ailleurs dès le début. Il se trouve que par ailleurs, à côté, on a des contrats avec des institutions, des médias, diverses choses qui tombent parce que le Journal de la Science commence à être un tout petit peu connu. Et dans ces cas-là, évidemment, j'en fais profiter en priorité l'équipe du Journal de la Science qui, là, en revanche, se retrouve dans une logique rémunérée. Mais pour tout ce qui est production, en fait, d'articles dans le Journal de la Science, j'ai pas les moyens pour l'instant en fait de rémunérer les gens. Les revenus du site pour l'instant c'est quasiment exclusivement la publicité et ça paye à peine le serveur, donc voilà. C'est vrai. On marche à la passion et donc du coup j'ai pas les moyens pour l'instant de payer des bureaux pour l'ensemble de l'équipe. Et il se trouve par ailleurs qu'on est assez dispatchés géographiquement, donc ça tombe bien. On discute donc par mail la plupart du temps. Ok, ça me rappelle vraiment furieusement une autre initiative que je connais bien. Mais mince, alors moi je pensais que vous gagniez des sous, j'allais te poser plein de questions sur ton business model. Donc c'est une activité secondaire en fait pour chacun d'entre vous. Absolument, mes collègues, eux, ont des activités dans des soit à la télé, soit dans la presse écrite en tant que journaliste scientifique. Et moi-même, effectivement, j'ai une autre activité qui est un peu différente. En fait, j'ai développé en fait un outil informatique que je vends à des instituts d'études marketing et qui s'en servent voilà pour faire des études. Et c'est mon activité rémunérée principale. J'avoue que ça doit être la tête de votre site et votre habitude journalistique. On a l'impression que c'est un truc qui gagne de l'argent, quoi. C'est tout propre, tout bien présenté et tout. Ça gagne un peu d'argent, mais c'est vrai que c'est, encore une fois, on va peut-être atteindre les 500 euros de chiffre d'affaires dans pas longtemps, mais ça s'arrête là, quoi. Ça paye le serveur et ça paye les différents petits frais techniques qui peuvent survenir de temps en temps. En revanche, là, c'est vrai que depuis quelques mois, l'audience quand même commence à monter pas mal, donc on se dit que peut-être un jour on pourra rentrer dans une logique rémunérée. On a des projets en fait par ailleurs qu'on aimerait greffer en fait sur le Journal de la Science et qui sont des projets qui pourraient être peut-être un petit peu plus rémunérateurs. On a comme projet notamment qu'on va tenter là très rapidement de développer des enquêtes approfondies sur une cinquantaine de pages et liées à un fait d'actualité et les vendre en fait sous forme de e-book. Aux lecteurs du Journal de la Science et peut-être aussi sur d'autres plateformes de type Amazon, etc. Donc ça serait peut-être l'occasion voilà, d'arriver à trouver une forme de monétisation finalement à notre activité. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la base, bon, il ne faut pas se leurrer, c'est que l'actu sur Internet aujourd'hui, à moins de faire 3 millions de visiteurs uniques par mois, vous ne pouvez pas en vivre, c'est pas possible. Pour donner un élément de compréhension aux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas forcément les modèles économiques sur Internet, quand on est un média pure player sur Internet, pour gagner 10 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires uniquement avec de la pub, de l'affichage publicitaire, il faut faire 1 million de visiteurs uniques par mois à peu près, avec des pages qui sont quand même pas mal remplies en pub. Mm-hmm. Donc 10 000 euros hors taxe, quand vous voulez rémunérer quelqu'un, il faut diviser par deux, puisqu'il y a 50% de charges en France, donc ça fait du 5 000 net. Donc avec ça, vous pouvez payer deux personnes, mais si vous faites 1 million de visiteurs uniques par mois, vous rendez compte, c'est quand même beaucoup. Ouais, voilà, c'est par mois en plus, hein. C'est parce que c'est 10 000 euros par mois qu'il faut gagner pour éventuellement penser à rémunérer, quoi. Bah pour payer deux personnes, effectivement, ouais. Si on imagine qu'on les paye 2500 euros net chacune, ce qui est un salaire de journaliste dans une rédaction, hein, il faut gagner 10 000 euros hors taxe par mois et donc être déjà parvenu à 1 million de visiteurs uniques par mois, ce qui n'est pas rien. Rue 89, quand il a été vendu, il était à peu près 1 million de visiteurs uniques par mois. Bon, c'est l'audience de pas mal de sites médias qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Ok, et puis le Journal de la Science, on est où en termes d'audience? Alors généralement, les fondateurs de sites ne disent pas leur audience. Moi, j'ai pas de problème pour le dire. On est à 10% de, on est à 10% de 1 million. Vous voyez, on a encore du chemin à faire. On est à 100 000 visiteurs uniques par mois. Ok. Sachant qu'à un an, on était à 10 000, donc on a quand même connu une jolie progression, mais on est encore très très loin de toute logique de rentabilité. Bah encore un an à ce taux de progression et puis c'est bon, quoi. Vous êtes Si on est sur le ratio x10, effectivement, dans un an, on est à 1 million et dans ces cas-là, je peux payer deux personnes, c'est formidable. Merveilleux, ben, on vous souhaite d'y arriver. Je me demandais quels avaient été tes modèles, si tu as trouvé des sources d'inspiration ou si vraiment tout a été pensé from scratch dans ce projet. En contenu, je ne le cache pas, ce qui m'a inspiré, c'est le contrat de lecture de Science et Vie. Okay. J'ai appris à fabriquer des contenus à caractère scientifique à Science et Vie de façon extrêmement efficace. En fait, il y a une équipe à Science et Vie qui est excellente et grâce à cette équipe, moi j'ai vraiment appris sur le tas là-bas, hein, j'ai pu apprendre à fabriquer des contenus à caractère scientifique de façon voilà, assez efficace. Donc dans le fond, dans le contrat de lecture, dans la façon de s'adresser au lecteur, je dirais que Science et Vie est mon inspiration principale. Et après, dans la forme, par rapport au site, je me suis pas mal inspiré du site du Télégraphe, voilà, qui est un très très beau site web. C'est un quotidien britannique, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je me suis beaucoup inspiré de l'interface, de l'ergonomie du Télégraphe. Ok. J'avais une question à te poser. Comment vous choisissez les news? En fait, je me suis rendu compte en préparant l'interview que, sauf erreur, vous n'avez pas parlé des ondes gravitationnelles du Big Bang qui font un buzz pas possible actuellement. Je me suis demandé s'il y avait une raison à ça. Comment est-ce que vous les choisissez? Comment est-ce que vous décidez de traiter ou pas de tel ou tel sujet? Comment est-ce que vous vérifiez les sources, d'ailleurs? Enfin, comment est-ce qu'on fait de l'actualité en science? Alors, pour répondre à ta première question pour les ondes gravitationnelles, en fait, il y a une explication effectivement à ça, mais elle est pas forcément là où on peut l'attendre. On n'a pas eu le temps de le traiter, tout simplement. C'est tout à fait recevable. Le problème avec ces gros sujets, c'est que soit, alors on peut pondre évidemment une actu assez rapidement pour en parler comme tout le monde. Généralement, nous, on a envie de faire des interviews, donc en fait là, on est en train de prendre des contacts pour faire pour publier prochainement une interview par rapport à ça, pour faire quelque chose de plus que ce qui a été déjà publié sur les autres médias. Et c'est vrai que pour l'instant, ça prend plus de temps et du coup, on n'a encore rien publié là-dessus. C'est un peu honteux, je suis d'accord avec vous. Mais voilà pourquoi on n'a pas pu le... Il n'y a rien là-dessus pour l'instant. Pour prolonger ce que dit Alan, les rares fois où il y a eu l'info dans Podcast Science, on s'est rendu compte que c'était extrêmement dur de savoir parler de choses qui sont de l'actualité sans tomber dans le buzz et se rendre compte qu'en fait 2 mois plus tard c'était pas une actu, c'était un truc qui finalement est contredit scientifiquement très rapidement ou alors mérite vérification qui vont prendre des années, etc. Et où du coup on est certes dans la science en train de se faire, mais on est surtout dans la science qui arrive à communiquer, on communique sur des choses et on regrette quasiment quelques mois après d'avoir communiqué dessus, quoi. Je ne sais pas si vous avez ces problématiques-là et comment vous gérez ça. On ne regrette jamais, mais en revanche, c'est vrai qu'on n'a pas le recul nécessaire pour juger si vraiment l'actualité dont on traite a une vraie pertinence, une vraie profondeur. Est-ce qu'elle aura une forme de pérennité ou pas? Franchement, on ne sait pas. C'est vrai que... Mais personne ne peut le savoir. C'est très difficile. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie en priorité sur des actualités adossées à des publications dans les plus grandes revues possibles. On se borde de cette façon-là, ce qui est une façon pas très intelligente de faire, mais en fait, c'est vrai qu'on préfère privilégier Nature, Science, PNAS, PLOS ONE, le Lancet pour la santé, etc., que des revues un peu plus secondaires. On se rappelle récemment de ce qui s'est passé par rapport au rat de Séralini et de certains hebdomadaires français un petit peu rapide peut-être sur l'expérience en question. La publication dans laquelle avait été effectué cet article n'était pas, c'est pas une revue de première main, on va dire. Et nous, on essaie dès qu'on sent que le sujet est un petit peu particulier, un petit peu étonnant, on essaie de faire une sélection par rapport à la publication en question. Est-ce qu'elle est cotée ou pas? Et puis après, c'est vrai que parfois, on se trompe. Hein. Moi, je me souviens que il y a 2 ans, les neutrinos qui vont plus vite que la lumière. Moi, j'avais passé des heures et des heures au téléphone avec toute l'équipe. J'avais fait plein d'interviews. J'étais complètement, j'étais dans un état second. Je veux dire, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Faut bien se rendre. Je pensais justement à cette news-là, c'est-à-dire que je me demande si ces news-là méritent pas d'être traitées après le show, en fait. C'est pour ça que je pose la question, hein, un peu ouverte, hein, de se dire est-ce que vraiment ça vaut le coup de traiter l'actu dans le show ou pas de la traiter avec un décalage, quoi. Ce qui se passe, c'est que le web, en fait, implique forcément une dimension de temps réel. Donc on ne peut pas éviter d'en parler, ce n'est pas possible, parce que le web appelle cette dimension de temps réel. Si des chercheurs publient quelque chose, même si c'est en prépublication sur Arxiv, comme c'était le cas pour les neutrinos, il faut en parler, on ne peut pas attendre plusieurs mois avant de le faire, parce qu'on est sur le web et parce que ce support appelle nativement le temps réel. En revanche, effectivement, tu as raison, dans un second temps, ça peut être vraiment intéressant de décrypter, de débriefer finalement les éventuels emballements qu'il y a pu avoir sur telle ou telle publication. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas les moyens ni le temps de faire, mais ça serait effectivement, tu as complètement raison, quelque chose d'extrêmement pertinent d'un point de vue journalistique. Enfin, nous, comme le disait Nico, à chaque fois qu'on a essayé de s'aventurer sur ce terrain, on s'est planté. Pour les neutrinos, on avait été hyper prudent, par exemple, dans la manière de le présenter. Enfin, ça, c'était le truc, on pouvait juste pas passer à côté, donc on l'a fait. Mais en fait, c'était plus sous forme d'analyse critique de la démarche de communication face à ce type de problématique plutôt que dans l'esprit news à proprement parler, parce qu'on s'est rendu compte qu'on sait pas faire, quoi. Et puis même pour le boson de Higgs, par exemple, on s'est contenté en fait d'expliquer ce que ça voulait dire un peu tous ces termes, mais on n'a pas été plus en avant dans qu'est-ce que voulait dire cette nouvelle et compagnie, quoi. C'est vraiment de la curiosité, si, hein, c'est aussi parce qu'on sait pas faire. Si je peux me permettre une intervention, je pense que on sait pas faire, et c'est vrai que c'est toujours un débat, mais je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir sur tous les sujets, pas nécessairement en science. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, pour peu qu'on soit proche d'un sujet d'actualité quel qu'il soit, quand on regarde ce qui se passe dans les journaux, c'est vrai que souvent c'est agaçant de voir les approximations, de voir les... Et en même temps, l'actualité, on voit bien que ça peut avoir un intérêt. Et c'est vrai qu'il y a clairement deux métiers différents quand on fait de la vulgarisation des sciences, en gros, enfin, de styles très différents, qui sont soit de la vulgarisation où on prend le temps de faire un dossier sur un truc qu'on a bien compris, etc., etc., soit journalisme scientifique où quand même, effectivement, on essaye de se préoccuper des trucs actuels et de voir où on en est, ce qui se passe. Et donc, dans ce cas-là, on est obligé de prendre des risques, mais du coup on est aussi obligé d'être dans l'actualité, etc. Mais je pense que c'est pas réservé aux sciences, quoi. Oui, effectivement, c'est une problématique qui est liée au traitement de l'information en général sur Internet. Il y a ces deux vitesses là que tu viens d'évoquer, effectivement, qui sont complémentaires. Je pense qu'encore une fois, nous on revendiquera toujours la dimension de temps réel. Même si on se plante, c'est pas grave. On continuera à faire des articles sur les neutrinos parce que d'une part c'est impossible de pas en parler, et puis d'autre part ça incite à réfléchir sur des choses qui sont fascinantes. Nous, on a toujours employé le conditionnel par rapport à ça, comme d'ailleurs la plupart des médias. Ouais, hein, ouais. C'est tellement énorme que personne s'est risqué à assurer quoi que ce soit. Mais moi, je me souviens que quand j'avais appelé Dario Thiérault, il m'expliquait, alors j'avais eu lui, puis j'avais eu d'autres personnes de son équipe, il voulait pas communiquer là-dessus, en fait. Il y a eu une dissension, en fait, au sein de l'équipe, où il y a eu une grande partie des scientifiques qui ont dit, mais non, on peut pas communiquer maintenant, c'est pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu le fin mot de l'histoire un petit peu plus tard, c'est qu'ils ont eu peur qu'une équipe américaine qui était à peu près sur la même type de problématique, qui avait déjà trouvé des résultats préliminaires qui suggéraient qu'éventuellement il pouvait y avoir des résultats de ce type-là, était en passe de publier quelque chose en partenariat avec des gens de l'accélérateur japonais de particules, et ils ont eu peur de se faire doubler, et en fait c'est pour ça qu'ils se sont mis à communiquer là-dessus, mais tout le monde avait conscience dans l'équipe de Thiérault que c'était bien trop précoce. Donc en fait, disons que les médias ne se sont pas fait berner par une équipe qui a voulu communiquer de façon excessive. C'est simplement en fait qu'il y a eu cette crainte en fait de se faire doubler par des scientifiques appartenant à d'autres équipes, qui les a finalement conduits à communiquer trop précocement. Mais il leur a manqué, je pense, paradoxalement, un homme de communication pour leur dire peut-être que là, même si vous avez peur de vous faire doubler, c'est tellement risqué de le faire qu'il faudrait peut-être attendre un petit peu. Par ailleurs, il faut noter que Dario Thiérault et son équipe, ils avaient fait des expériences en aveugle pendant 2 ans pour confirmer les résultats avant de commencer à communiquer dessus. Donc ils s'étaient retenus pendant 2 ans d'en parler, ce qui est quand même extrêmement conséquent. Je pense que c'était impossible de pas en parler, c'était impossible de pas s'enthousiasmer, même si on n'avait pas le fin mot de l'histoire là-dessus. En revanche, c'est vrai que après coup, il y a peut-être un deuxième temps, un temps plus long, une deuxième vitesse à imaginer par rapport au traitement de l'information sur Internet, qui devrait être mise en place dans les quotidiens en ligne, dont le nôtre, mais aussi des journaux beaucoup plus prestigieux. Et c'est pas le cas actuellement. Peut-être parce que c'est pas rentable en termes d'audience aussi. Ouais, moi je voulais te demander si t'avais un article coup de cœur à nous proposer comme porte d'entrée pour les rares auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas encore le Journal de la Science. Alors, je vais proposer celui qu'on vient de publier là, juste aujourd'hui, non pas seulement par facilité cognitive, c'est pas celui qui me vient le plus facilement à l'esprit, mais parce que je le trouve particulièrement touchant et que quelque part il résume un petit peu ce qu'on aime faire sur le journal de la science. Paradoxalement, c'est pas un article très scientifique, c'est plutôt un article qui est lié à l'histoire et à l'archéologie. C'est la découverte en fait d'une lettre qui a été écrite il y a 1800 ans par un soldat égyptien qui servait dans l'armée romaine et qui s'adresse à sa famille en fait. Donc c'est une lettre en fait qui a été découverte il y a plus d'un siècle, en 1899, par des archéologues qui menaient une expédition dans une ville de l'Égypte antique, enfin un site archéologique égyptien, dont cette lettre était connue depuis longtemps. Elle était en très mauvais état, donc elle n'avait jamais été traduite. Elle était écrite en grec. Et un étudiant américain l'a traduite là récemment. Et surprise, au lieu de découvrir des contenus plutôt habituels pour l'époque, institutionnels, ou ils ont découvert, en fait, enfin il a découvert, cet étudiant, un contenu qui est extrêmement personnel et qui est en même temps très universel, puisque donc c'est quelqu'un qui est à la guerre, il est au combat. Il a écrit 6 lettres à sa famille, sa mère, son frère et sa sœur. Il n'a pas de réponse et il s'inquiète. Il se demande s'ils sont en bonne santé. Et en même temps, il y a une colère un peu sourde qui pointe dans cette lettre où il se demande si ils l'ont pas oublié. Est-ce qu'ils pensent vraiment à lui comme lui, il pense à eux. Et ce qu'il dit, c'est que il pense à eux, il les a à l'esprit, il les a aussi dans son cœur. Donc ça, c'était il y a 1800 ans. Et j'en parle pourquoi ? Parce que au Joie de la Science, on aime vraiment parler d'actu scientifique qui nous donne à réfléchir sur la nature humaine. Voilà, c'est quelque chose qui nous plaît particulièrement. Moi, je vous disais tout à l'heure, je suis un néophyte en science. Hein, j'ai pas fait d'études scientifiques. Moi, ce qui me passionnait quand j'étais lecteur de Science et Vie, Science Avenir, la recherche pour la science, c'était tous les contenus à caractère scientifique qui me donnaient la possibilité de réfléchir sur la nature humaine, sur notre condition. Et je trouve que c'est une belle vocation que de permettre cela. Donc voilà le contenu, l'article que je pourrais citer pour répondre à ta question. Bah, c'est formidable, merci beaucoup. C'est donc l'image que tu avais postée dans la chatroom. Absolument, c'est ça. Au début de l'émission, ouais. Ah, c'est hyper touchant, cette histoire. Donc c'était à peu près en 214, c'est ça ? C'est ça. Le contexte tellement différent, puis en même temps, l'être humain tellement pareil, finalement, à celui d'aujourd'hui, quoi. Enfin, cette espèce de pont comme ça avec notre passé, ouais, c'est génial. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelques générations hein, qui se sont écoulées à peine, mm-hmm. et on est vraiment les mêmes que ceux qui nous précédaient il y a 1800 ans. Et c'est effectivement, comme tu le dis, très très touchant, très frappant. Mm-hmm. Je crois qu'on a quelques questions qui viennent de la chatroom. Bon, un commentaire d'abord de LJJ qui nous dit que Science et Vie n'ont jamais fait le moindre article de maths. C'est pas vraiment une question. C'est pas vrai. Ah. C'est pas vrai. J'en ai fait un moi quand j'étais à Science et Vie, qui était sur un cube magique, d'Areth 5 dans mon souvenir, et c'était un sujet qui n'avait pas été facile à écrire, et j'avais rencontré le mathématicien à l'origine de la modélisation de ce cube magique qui travaillait à la Sorbonne, et j'avais fait un article là-dessus, mais c'était en 2005 ou 2006 peut-être. Je vais regarder sur Internet si je le retrouve pendant que je vous parle. Ah, on peut dire en tout cas que c'est rare, ça c'est sûr quand même, quoi. Mais, c'est rare. Et par ailleurs, c'est vrai aussi que, enfin, moi, je suis pas un lecteur assidu, je suis pas un lecteur assidu de Science et Vie, mais on peut remarquer qu'il y a des fois où ça s'annonce comme des mathématiques et puis en fait, c'est sur le cerveau, est-ce que... il est fait pour comprendre les maths, machin. Est-ce que souvent ça dérive justement de neurosciences, etc., qui sont des sujets intéressants. C'est pas le problème, mais c'est vrai que souvent on a l'impression qu'il y a un truc qui va parler de maths et en fait pas vraiment, quoi. Petite précision, même si ça n'a rien à voir. Robin travaille à Science et Vie Junior. D'accord. je précise pour le contexte. Il tient la rubrique maths justement. À la rubrique mathématiques, d'accord, très bien. Eh bien, alors je suis en train, pendant qu'on parle là, de... Voilà, ça s'appelait le plus petit cube magique parfait. Donc effectivement, il y a plutôt des articles qui sont liés au raisonnement mathématique et de ces effets dans le cerveau, parce que c'est beaucoup plus facile à appréhender. Stanislas Deven, qui est le champion de tout ça en France, qui est un mathématicien qui s'est reconverti dans la neurobiologie, a autour de lui plusieurs équipes, hein, pas qu'une seule, mais plusieurs équipes de scientifiques qui ont travaillé sur ces problématiques-là. Maintenant, il est passé à autre chose, il travaille sur la conscience. Et donc, effectivement, quand on parle de mathématiques, souvent dans Science et Vie, en tout cas à mon époque, c'était le cas. C'est vrai que c'était plutôt avec une approche de type cérébral. Comment on fait les additions et quelles sont les aires cérébrales qui s'allument quand on additionne 2 et 3. Ouais. En gros, c'est un petit peu ça, les mathématiques pures. Hormis l'exemple dont je parlais sur le plus petit cube magique parfait que j'avais écrit moi-même, il y a assez peu d'exemples. Il y a malgré tout un mathématicien à Science et Vie qui s'appelle Hervé Poirier, qui est le rédacteur en chef, et qui lui, dès que c'est possible, essaie de pousser quand même des sujets en mathématiques. Donc ils ont quand même une petite sensibilité mathématique. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours ce même écueil dont je parlais tout à l'heure. Il y a des choses qu'on peut vulgariser facilement en mathématiques et d'autres beaucoup moins dès que ça parle d'algèbre ou de choses comme ça. Ça devient tout de suite beaucoup plus difficile pour un journaliste que de le vulgariser. Ok, LJJ précise que il n'y avait pas eu d'article de maths pendant les deux ans où il y était abonné. Si ça se trouve, c'est pour ça qu'il s'est désabonné. Par rapport à Pour la Science ou Sciences et Avenir, par exemple. Par contre, Sciences et Vie Junior, il reconnaît qu'il y a de vrais articles de maths. Je voulais encore te demander un truc. Qu'est-ce que c'était ? Oui, est-ce que vous avez des projets d'avenir avec le journal de la science ? On sait comment il va évoluer ? T'as déjà quelques pistes ? On a envie de se développer, de proposer des prestations, enfin des contenus éditoriaux complémentaires au flux d'actu qu'on propose actuellement. Mm-hmm. Un flux d'actu, concrètement, ça se monétise, c'est impossible à monétiser. En revanche, ce qu'on croit, c'est que ce flux d'actu-là, qu'on est en train d'essayer d'étoffer petit à petit, c'est une base sur laquelle on peut poser des prestations éditoriales un petit peu plus approfondies. Je parlais tout à l'heure de la possibilité de faire des e-books sur des problématiques d'actualité liées à la science. C'est un exemple qu'on a en tête. De contenu éditorial qu'on aimerait lancer. On en a d'autres en tête également, inspiré notamment du contenu, cette tendance au journalisme long qui a vu le jour outre-Atlantique, en Amérique, où on a de plus en plus tendance à raconter de longues histoires avec des formats multimédia enrichis. C'est quelque chose auquel on pense aussi au Journal de la Science. Voilà, c'est peut-être des choses qu'on va expérimenter dans les prochains mois. Ok, excellent. Et puis je me demandais si tu avais une réflexion, un discours sur la place de la science dans le paysage médiatique français aujourd'hui. Encore une fois, moi j'ai la position du néophyte, du naïf, et moi je demande pas grand chose à la science, mm-hmm. si ce n'est qu'elle m'aide à mieux réfléchir et à mieux comprendre ma position dans le monde. En fait, c'est quelque chose de, vous voyez, je demande pas grand chose et en même temps je demande beaucoup. Mais j'ai pas de. Je pense qu'un chercheur, un scientifique pourrait mieux répondre à cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'accorde pas assez de place à la science dans le paysage médiatique, ou alors que la science est traitée de façon trop sensationnaliste. Moi personnellement, j'ai pas d'avis là-dessus. Ce que je crois simplement, c'est que raconter des choses liées à la science, c'est l'occasion de raconter une belle histoire. Vrai, bien évidemment, on espère qu'elle est vraie, l'occasion de se questionner sur notre condition. Ok, moi j'avais pas d'autres questions, je crois que Nico a une dernière question à te poser. Du coup, ça me faisait penser à ça, comme tu reprécisais que tu étais un néophyte, etc., et puis que tu précisais au début que tu avais lu beaucoup de livres et compagnie. Est-ce que t'as des livres de vulgarisation, et je pense particulièrement à des livres écrits par des francophones et de conseillers. Enfin, en fait, c'est un peu une suite à ce que posait Alan comme question sur l'état de la présentation de la science dans les médias. C'est que je sais qu'avec Alan, on est toujours étonnés tous les deux de trouver si peu de bons livres de vulgarisation en français, agréables à lire, comme les livres qu'on lit en littérature anglophone. Et je me demandais si toi, tu avais la même expérience ou si tu avais des super livres à nous conseiller, écrits par des Français, en fait. Honnêtement, c'est vrai que les livres écrits par les Français ou les francophones sont pas toujours très bien écrits, même si au niveau du contenu, ils sont extrêmement denses et intéressants. Récemment, j'ai lu un livre de Alain Berthoz, le neurobiologiste, sur le mécanisme de la décision, ça s'appelle La décision d'ailleurs, qui est un livre plutôt intéressant. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je lis plutôt les grands livres qui m'ont marqué en vulgarisation, c'est des livres effectivement anglophones. Je pense par exemple à Richard Dawkins, quand on a lu Le gène égoïste, c'est quand même une expérience assez exceptionnel que de lire des livres comme ça. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la science en lisant des livres comme ça, en lisant aussi les livres de Corinne Lorenz, l'éthologue. Voilà, ce genre de choses. Et donc, évidemment, c'est pas des Français, c'est des gens qui ont l'habitude de raconter des histoires et qui savent utiliser la science pour raconter des histoires qui vont captiver le plus grand nombre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, nous, en France, parce qu'on ne sait pas vraiment raconter des histoires en France. C'est quelque chose d'ailleurs qui transcende l'univers de la science. Quand vous regardez ce qui se passe en cinéma, par exemple, moi, avant de travailler à Sciences et Vie, je travaillais dans le cinéma, en fait, je travaillais en production. J'ai même écrit et réalisé quelques petits films qui sont passés sur Arte. Bon, ça, c'était dans une autre vie. On s'aperçoit qu'en termes de scénario, on est bien plus mauvais que les anglo-saxons. Pourquoi ? Parce que ils ont une agilité, une faculté, une aptitude à raconter les histoires que nous, on n'a pas, pour des raisons mystérieuses, complexes, probablement liées à notre histoire et à la leur. Mais en tous les cas, il y a cette différence-là. Et du coup, même en science, les vulgarisateurs scientifiques, qu'ils soient scientifiques ou journalistes outre-Atlantique, sont bien plus capables que nous de captiver les foules avec des sujets scientifiques. Nous, on n'en est pas capable parce qu'on n'a pas dans notre ADN cette faculté à raconter des histoires de façon aussi efficace, finalement, que les Américains. C'est bien dommage, j'aimerais bien que ça change, mais malheureusement, en l'état, c'est pas le cas. Il y a une grande différence. T'as l'air de présenter ça comme si c'était foutu, quoi. T'as pas un espoir de changer les choses, justement, par le Journal de la Science ou autre ? Non, je vais pas avoir cette prétention-là, mais ce que je crois simplement, c'est qu'en revanche, il y a un effet d'uniformisation qui n'est pas que linguistique et qui tend à projeter toutes les cultures, en tout cas les cultures occidentales, vers l'univers anglo-saxon, l'écosystème anglo-saxon, et que ça va se passer au niveau du langage, mais ça va peut-être aussi se passer dans le domaine de la culture, c'est-à-dire qu'on va peut-être aussi se mettre à penser de plus en plus, nous et les générations qui nous suivent, comme des anglo-saxons, et peut-être que du coup, on se mettra à raconter de meilleures histoires. Ça sera au moins une petite consolation pour avoir perdu toute notre spécificité et toute notre magnifique particularisme culturel. Accessoirement. C'est ce que tu dis. Moi, ça résonne bien chez moi. En fait, en démarrant Podcast Science, ça partait exactement du même constat. Ça faisait plus de 10 ans que je m'abreuvais de ce que les anglophones, je n'aime pas dire anglo-saxons, les anglophones, appellent de la science populaire. Et je m'étais rendu compte que le concept même n'existait pas en France. Qu'à la limite, si c'était populaire, on s'en méfiait, quoi. En tout cas, on ne retrouvait pas ça dans la culture scientifique, on ne retrouvait pas ça dans les médias mainstream, on ne retrouvait pas ça dans la littérature. Et puis, Podcast Science avait l'ambition, toute proportion gardée, évidemment, de combler un petit peu ce gap et d'essayer de raconter des histoires à l'anglo-saxonne, sans prise de tête, sans utiliser de gros mots, pour faire aimer la science, quoi. C'était l'idée. Et puis, dans l'intervalle, j'ai découvert la blogosphère française et je trouve qu'elle est exactement dans cet esprit-là, la blogosphère scientifique, en tout cas. C'est des gens qui ont un vrai talent pour raconter des histoires et qui savent raconter la science. Et je trouve ça absolument formidable. Enfin, j'ai un constat un peu moins dépité, quoi, depuis que j'ai découvert cet univers que je connaissais pas à l'époque. D'ailleurs, si je l'avais connu, j'aurais peut-être pas démarré Podcast Science. On serait peut-être pas en train de parler maintenant. Ça avait du bon, en somme. Mais j'ai l'impression, effectivement, qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin pour réussir à comme tu dis, à raconter des histoires qui sont basées sur de la science, mais d'abord des histoires. Mais c'est ce que tu viens de dire, effectivement, c'est-à-dire que tu es suspect en France à partir du moment où tu veux raconter des histoires de science de façon accessible. Ouais. On va penser que tu n'es pas sérieux, on va penser que tu n'es pas crédible, et d'ailleurs, moi, on me pose toujours la question du background que j'ai, donc je me fais un plaisir de choquer mon interlocuteur ou mes interlocuteurs en disant que je n'ai pas de diplôme scientifique. Ce qui les achève généralement et ils comprennent pas. C'est un scandale. C'est un scandale, voilà. Et c'est très drôle parce que justement. Qui a ramené cet invité ? c'est très drôle parce que justement c'est paradoxalement ce qui permet de mieux raconter les histoires au grand public, le fait justement de pouvoir être une partie de ce grand public. On en parlait tout à l'heure. Et par ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pas évoqué avec vous. Le Journal de la Science, pour parler toujours dans cette idée de l'accessibilité, de la proximité de la science, qui est une idée encore largement rejetée en France aujourd'hui, et c'est dommage. On produit en fait une web-série documentaire qu'on va commencer à tourner donc dans quelques mois, qui va se passer à Polytechnique, et on va suivre pendant un an la vie, le quotidien dans le laboratoire à Polytechnique, un laboratoire de physique des fluides. Et l'idée, ça va être une fois par semaine, de mettre en ligne un épisode vidéo de 5 à 6 minutes relatant ce qui s'est passé au cours de la semaine écoulée dans le labo. Telle expérimentation qui a été mise en place, est-ce qu'elle a marché, est-ce qu'elle a raté, qu'est-ce qu'il pense le chercheur, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est triste, qu'est-ce qu'il espère pour l'avenir proche, etc. C'est une idée que je trouve géniale. On avait essayé dans une moindre mesure de suivre un peu le quotidien de la thèse de David, là, qui n'est pas là ce soir, mais c'est hyper dur pour le labo en question parce qu'il va falloir qu'en gros, ils acceptent de présenter la réalité de la recherche, c'est-à-dire que 90% de leurs expériences vont être des échecs et qu'ils vont avancer à petits pas, quoi. Mais c'est une super idée si vous arrivez justement à montrer que on tâtonne, quoi. Mais l'objectif, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est le mode essai-erreur. consubstantielle à la science. C'est exactement ça qu'on a envie de mettre en scène. Et on pense que c'est intéressant de le montrer parce que ça montre qu'il y a de l'incertitude dans la science et que peut-être, du coup, la science est l'une des dernières aventures du monde moderne et que le scientifique est peut-être l'un des derniers aventuriers du monde moderne dans le sens où il est face à l'incertitude. Il va essayer quelque chose, soit il va réussir, soit il va rater. Et ça, c'est l'ingrédient de toutes les bonnes histoires. Et donc, on pense que ça peut être intéressant pour le grand public. Et après, effectivement, la question est importante. Est-ce que les chercheurs vont jouer le jeu ? Ce sont des jeunes chercheurs qui sont brillants. J'ai l'impression, on en a déjà parlé, j'ai l'impression qu'ils se sentent suffisamment solides par rapport à ce qu'ils sont et leurs compétences pour accepter de montrer que bah, parfois ça marche pas la science. J'ai bon espoir de les associer à ce projet-là avec cette dimension essai-erreur qui est très importante pour pas du coup faire quelque chose de trop institutionnel et d'expliquer voilà alors cette semaine tel chercheur a découvert telle chose ou a réussi telle manipulation, ça serait pas très intéressant et c'est vraiment pas ce qu'on veut montrer. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça, de montrer la dimension essai-erreur de la science et de montrer en quoi c'est exaltant, en quoi c'est enthousiasmant, en quoi c'est inspirant. Bah, c'est formidable. Et ça démarre quand, t'as dit ? Alors, on va commencer à tourner en septembre. On a reçu le soutien là, de Univers-Science qui propose une bourse, vous êtes sûrement au courant, qui s'appelle la bourse Estime, qui est à l'origine quelque chose qui vient de l'Agence nationale de rénovation urbaine. En fait, c'est un gros budget qui a été alloué pour la diffusion de la culture scientifique. Et c'est Univers-Sciences qui s'en charge. Et donc, il y a plusieurs commissions qui sélectionnent en fait les projets multimédia liés à la vulgarisation scientifique. Et on a eu la chance d'être sélectionnés donc au dernier appel à projet. Ben pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés par l'idée, qui ont des projets dans ce sens-là, il y a encore un appel à projet là qui se profile bientôt, donc il faut se dépêcher, mais il est encore possible de postuler et ça peut être intéressant. Voilà, ça peut permettre à des projets ben, comme le nôtre ou d'autres de voir le jour, afin voilà de raconter de belles histoires de science exaltantes et inspirantes. Ben ça me semble être un excellent mot de la fin pour cette interview, à moins que quelqu'un ait encore une question. Oui, je voulais poser... Je me posais la question. D'abord, je voulais dire que je suis vraiment admirative devant ce genre de projet parce que mon expérience, c'est qu'il y a, quand je vais sur le web, il y a quand même beaucoup de sites internet sur la science, en fait. Et moi, en tant que scientifique, en fait, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, je me sens vraiment débordée, en fait. J'ai maintenant, encore une fois, en tant que scientifique, j'ai tellement d'informations sur la science qui viennent à moi. Je me sens vraiment, mais j'en ai trop, en fait. Et il faut que je fasse le tri, finalement. Et je me demandais pour des gens qui sont inspirés comme vous à créer ce genre d'outils, je me demande comment vous allez faire pour nous accrocher, pour être mieux que les autres, pour faire en sorte que quand j'ai besoin d'informations, c'est à vous que je viens, que je pense en fait. Et je me demande comment vous allez faire pour justement surfer ou choisir entre faire un site qui soit quelque part entre l'actualité et la vulgarisation. Et je me pose toutes ces questions. Comment vous allez faire dans le futur, en fait, pour survivre? Parce que je crois que il y a beaucoup de gens, finalement, encore une fois, il y a tellement d'informations qui circulent, il y a tellement de sites internet maintenant qui fleurissent. Comment vous le voyez, tout ça? C'est une vraie question, effectivement. On espère faire la différence avec des contenus un petit peu plus exclusif, un petit peu plus innovant, comme par exemple cette web série dont je viens de parler, comme aussi ces projets de reportage long qu'on a en tête, qui pourraient permettre aux lecteurs de mieux comprendre ce que c'est que le quotidien d'un chercheur. On a envie de raconter en fait des histoires de découvertes sur des longs formats avec du multimédia, un peu comme vous savez là ce fameux article, enfin cette fameuse œuvre journalistique, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'appeler, qui s'appelle Snowfall et qui a inspiré beaucoup de gens. Voilà, on est un peu en train de penser à ce genre de choses en ce moment, et on se dit que c'est peut-être une façon de faire la différence avec nos concurrents, parce que c'est vrai qu'en termes d'actualité scientifique proprement dite, c'est un peu difficile de se différencier. Nous, on essaie. Alors peut-être que notre petite différence, c'est le fait qu'on explique tout. Dès qu'on utilise un mot compliqué, on utilise des mots simples pour définir le mot compliqué. On essaie vraiment d'être le plus accessible possible, et en même temps, on essaie de pas fuir la complexité. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de compliqué, bah c'est pas grave, on va essayer de démonter le jeu de Lego et puis en le décomposant en sous-ensembles simples, de façon à ce qu'au final le lecteur ait eu la sensation de vivre une expérience de compréhension, d'accéder à une forme d'événement de type Eureka en se disant « Ah, ça y est, j'ai compris cette chose compliquée. » Et ça, c'est grâce au journal de la science. Et si un lecteur arrive à se dire ça, ben nous, on a rempli notre mission et on est content et on pense que c'est une bonne manière de se différencier des autres médias. Mm-hmm. Vous avez des retours de lecteurs dans ce sens-là, justement, qui vous disent « Super, je me sens moins con, j'ai enfin compris un truc, ça a cliqué. » Les retours qu'on a, en fait, c'est surtout des questions qui nous sont posées sur les réseaux sociaux, notamment sur Google Plus en ce moment, des questions de science, en fait, voilà, auxquelles les internautes attendent qu'on réponde. Et ce qu'on observe par ailleurs, ça c'est le premier indice, et le deuxième indice, c'est le taux d'engagement sur nos contenus, c'est-à-dire que le taux de partage est hyper élevé par rapport à l'audience. Beaucoup plus que sur des médias généralistes de type Le Monde, Le Figaro, Le Point, L'Express, où il y a aussi parfois les mêmes actualités traitant des mêmes sujets scientifiques et où on s'aperçoit que le taux de partage, d'engagement est beaucoup moins fort, d'une part en proportion de l'audience, mais aussi parfois en valeur absolue. C'est-à-dire que nous, faisant 10 fois moins d'audience que ces gens-là au moins, on a même parfois, voire souvent, en valeur absolue, des taux de partage qui sont plus élevés. Ouais, donc on a la sensation, c'est un indice supplémentaire qui nous incite à penser que les lecteurs aiment bien nos contenus et sont contents et fiers de les partager. Mm-hmm. Votre accent, c'est donc l'actualité et la vulgarisation. En fait, vous voulez faire les deux en même temps. Absolument, c'est ça. C'est l'actualité scientifique vulgarisée à destination du grand public, de la personne qui a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe en matière d'actualité scientifique. Et c'est vrai que c'est dur de faire les deux en même temps, parce qu'il faut aller vite, parce que c'est vrai que c'est de l'actualité, et en même temps, pour vulgariser, il faut simplifier en même temps. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Tu as totalement raison, c'est un vrai problème, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, pour un média, si on veut augmenter l'audience, il faut être quand même très rapide. Google aime les sites qui publient des contenus de façon hyper réactive. Qui plus est, le journal de la science est sur Google Actualité depuis quelques mois. Et là, la guerre fait rage, hein, en termes de rapidité. Il faut être vraiment le plus rapide. C'est pas compliqué. Si on veut être en une de Google Actualité, il faut être le premier ou le deuxième à avoir parlé de la thématique en question. Et là, on a une chance de faire de belles choses en audience. Et c'est une guerre qui est vraiment extrêmement intense. Tous les grands médias aujourd'hui en France se livrent cette guerre de la rapidité. Avec parfois même des choses qui sont un peu moins jolies, hein, de type je change le titre de mon article pour que Google Actualité pense que c'est un nouvel article et du coup le fasse remonter, etc., etc. Ah ouais. C'est il y a une guéguerre comme ça assez amusante, hein, quand on est dedans, qui est livrée actuellement. Et la base de tout ça, le fer de lance de tout ça, c'est vraiment la réactivité, le temps de réaction par rapport à l'actualité. Ouais. Enfin bravo en tout cas. Merci. Ouais, bravo, merci. Puis je pense qu'on va en rester là. Je t'avais promis une interview de quoi? Si on avait dit 10 minutes, un quart d'heure, ça fait bientôt une heure qu'on parle. Mais Ah, désolé. Absolument passionnant. Je te remercie. Ouais, on pourra encore continuer, c'est le pire. Hein, ah ouais, c'est clair. Écoute, faudra le réinviter à des débats, genre qu'est-ce que c'est que la science ou des choses comme ça. Comment la communiquer, vulgarisation, ouais, voilà. Tout ça. Avec plaisir. Bah, formidable. En tout cas, t'es le bienvenu à rester tout le reste de l'émission, sauf si t'as des enfants à coucher. T'allais dire quelque chose, Alan, désolé. Oui, j'allais juste demander où on te trouve. Donc, le site, enfin, où on trouve le Journal de la Science. Le site web, c'est journaldelascience.fr, tout collé en un mot. C'est ça. T'as évoqué Google+. On vous retrouve ailleurs encore? On est sur Facebook également et sur Twitter. Mais toutes les infos, de toute façon, sont disponibles sur le Journal de la Science sur le site. Excellent. Bah, du coup, Nico, tu t'enchaînes avec la suite de l'émission? Ouais, on va parler, on va aller assez rapidement sur le quiz du mois. Donc, pour rappel, le quiz, c'est pour savoir si une casserole fonctionne sur de l'induction, il suffit de vérifier qu'elle est aimantée, c'est-à-dire qu'un aimant colle dessus. On a eu quelques réponses, alors on va essayer d'aller assez vite. On a eu donc je ferai pas la réponse au quiz du mois cette fois-ci parce que je considère que nous n'avons pas eu assez de réponses. Je vous laisse participer un peu plus et surtout, j'ai pas pris le temps de faire cette réponse. J'allais dire, ouais, tu considères surtout que t'as rien préparé. Ça va, hein. Écoute. À chacun son rythme. Bref, on a Automail qui nous a fait une super réponse, qui dit « Bonjour à tous, comme chaque mois, ma réponse au quiz. Avant de répondre, je vous donne un indice. Donc là, écoutez bien et imaginez Julien Lepers qui vous tend une carte. Qui sont ces 4 personnes aimant la science et qui animent le podcast? Quel est leur caractère? Ont-ils compris les espaces ?» Avec les mots aimant, caractère, compris et espace en majuscule. Et là, il nous donne sa réponse. Je vous lis le début. A243, D354, N21, R1, N327, R104, etc. Alors, on a été un peu surpris, on a essayé plusieurs trucs, et puis finalement, grâce à une idée de génie de moi-même, pour citer Alan, et un peu de travail de la part de Julie, on a réussi à le décoder et à donner, pour moi, info, pas d'explication, mais Darty le dit. Donc, alors, c'est cette espèce de code cryptique, en fait, A243, D354, N21, tout ça, ça voulait dire ça. Pour moi, info, pas d'explication, mais Darty le dit. Okay. Alors, en fait, je me suis pas mal creusé la tête à chercher. Et puis, au bout d'un moment, j'ai remarqué que les lettres qu'il y avait dans ce truc-là, c'était uniquement nos initiales. Donc, Alan, David, Nico, Robin, et je crois qu'il y avait surtout que ça. Et puis, il y avait des chiffres après qui paraissaient vachement longs, entre autres plus longs que l'alphabet. Donc, ça ne me paraissait pas pouvoir être un code normal. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, il y a nos noms, il y a des chiffres, et puis j'ai dit « Ah, mais c'est peut-être nos bios ». J'essaie de traduire, et comme je m'attendais déjà à des mots que je ne trouvais pas, je me suis dit « ça ne marche pas ». Et puis Julie s'est un peu plus insistée, elle a dit « Mais si, c'est ça, c'est le numéro de la lettre dans la bio de la personne concernée par la première lettre. La première lettre. » Alors attends, ça veut dire que A243, donc le A c'était pour moi, puis 243 c'est la position de la première lettre. C'est la 243e lettre dans ta partie de bio sur la page qui sommes-nous. Et ça, en comptant les espaces. Et ça, donc, c'est un P, c'est ça. C'est le P de pour moi. Waouh. Ouais. Wow. Génial. Voilà, donc assez génial. Il a dû passer du temps pour les compter toutes les lettres. Ouais, et ça a dû prendre du temps aussi à traduire. Je crois que c'est ce qu'est en train d'écrire Julie. Je sais pas qui a pris le plus de temps entre celui qui l'a fait et celui qui l'a traduit. J'ai comme un doute. Et moi, je trouve que vous êtes tous des grands malades quand même, c'est ça. Bah, surtout qu'étonnamment, on l'a traduit relativement rapidement, quoi. Ouais. On n'a pas expliqué à Nicolas, mais peut-être qu'on devrait lui dire s'il est toujours là, en train de coucher ses enfants. Donc l'idée, c'est qu'on lance des quiz de temps en temps. Donc il s'agit de nous dire, enfin les auditeurs sont invités à nous donner leur opinion sur le quiz, pas forcément la réponse scientifique. Là, c'est nous qui nous en chargeons. Donc c'est souvent des anecdotes, des expériences, des opinions. Mais il y a un truc qui s'est créé spontanément, c'est que de plus en plus, on a reçu ces réponses dans des formats complètement what the fuck, des trucs inimaginables. Et puis maintenant, il y a une espèce de concours. Ouais, c'est ça, de surenchère à qui arrive à trouver le format le plus hallucinant. Celui-là, il faut dire qu'il était pas mal quand même. On a eu même David Loureiro qui a fait un Vine qui est visible dans la chatroom actuellement pour répondre aussi. D'accord, donc la vidéo qui tourne dans la chatroom, là, un peu stressante, c'est la réponse de David Loureiro au quiz. C'est ça, il y a du son aussi. Et donc oui, le quiz, je ne sais pas si tu as un avis, Nicolas, et si tu as bien compris l'énoncé. Par rapport à la casserole. Ouais. Est-ce que mettre un aimant sous une casserole, et s'il colle, est-ce que ça suffit pour dire qu'elle va fonctionner sur une plaque à induction? Est-ce que c'est une condition nécessaire et suffisante? C'est exactement la question. Hein. La question, alors, est-ce que c'est suffisant? Nécessaire, j'ai l'impression que oui. Suffisant, je ne sais pas. Non, c'est les deux. Hein. Ben voilà, c'est la question, quoi. On va tâcher de faire une réponse pour le prochain freestyle. Moi, je suis un grand partisan du gaz dans les cuisines, même si ça fait un petit peu peur. Mais en induction, je ne suis pas hyper fort. J'étais un grand partisan, et m'étant mis à l'induction, je deviens un grand fan de l'induction. Et puis, on m'a dit, du coup, ce test de l'aimant et mes vagues rappels d'électromagnétisme me disent que ce n'est pas aussi simple, mais on verra quand j'aurai le temps de fouiller. Ok, est-ce qu'on a eu d'autres réponses hein? Alors, on a la participation d'Erwan qui donne vite fait sa réponse au quiz du mois et puis qui répond à un hypothétique quiz du mois. Je te laisse y aller, Irène. Oui, alors il nous dit bonjour au nouveau dictateur. Bonjour. Alors, pour le dernier quiz, je pense que c'est de l'intox, parce que si c'était de l'info, ce serait trop simple. Bon, je sais que ce n'est pas la question, mais bon, tant pis. Pour l'eau distillée, est-elle un poison? Je dirais intox aussi, dans la mesure où on ne meurt pas en la buvant. Donc, je crois que la question, c'était est-ce que boire de l'eau distillée est nocif pour la santé ou non ? Quelque chose comme ça. Hein. Ouais, sauf que finalement, ça n'a jamais été promu comme question. Ce n'était pas la question du quiz. Ensuite, il nous dit, mais par contre, il n'y a aucun minéraux dedans. Donc, si on ne boit que cette eau, on risque de manquer de minéraux assez rapidement, avec des conséquences pas très heureuses. Désolé pour la réponse écrite de manière on ne peut plus classique. Podcastement vôtre, Erwan. Merci donc Erwan pour ta participation. On pensera à réutiliser ta réponse si un jour le quiz boire de l'eau distillée est dangereux pour la santé est sélectionné. Sinon, on a Steph aussi qui a participé. Concernant le quiz actuel, le test de l'aimant pour les casseroles compatibles avec l'induction, je dis intox. Les passionnés de cuisine savent qu'il existe des casseroles en cuivre, non magnétiques donc, qui marchent parfaitement avec des plaques à induction. Et inversement, il est possible d'avoir une casserole en acier qui ne soit pas adaptée aux plaques induction. Un grand bravo et que servir la science soit votre joie. Si je ne m'abuse, on verra la réponse définitive, mais je crois que si elles sont purement en cuivre, ça marche pas, hein, mais à vérifier, quoi. Ouais, toujours est-il que elle affirme que c'est ni nécessaire ni suffisant et que quand même, ça serait classe. Mais il me semble que les casseroles en cuivre dont elle parle, elles ont un fond dans un autre matériau. Mais on verra lors de la réponse officielle. Nicotube va griller son budget casserole pour répondre. C'est ça. Attends, je l'ai déjà grillé, t'as besoin de tout rénover, quoi. Même celles qui fonctionnent, on t'explique par A plus B qu'en fait, faut pas les utiliser, c'est pas bien. Ok. Bon, sinon, on a une réponse d'Alma Moka. Alors, difficile de rivaliser avec la diffusion de la réponse via un podcast. Comme Jonathan, je voterai pour info. Les vendeurs de plaques de cuisson chez Darty disent aussi de mettre un aimant ou un magnète sur le cul de l'ustensile de cuisson pour savoir s'il est utilisable sur des plaques à induction. Mais je mettrai un bémol par rapport à VoyageCast parce que les fabricants et les ingénieurs sont inventifs. Pour les ustensiles de cuisine, là, elle nous met une petite photo d'un Vetoo Cuisine Primavera Induction de chez Buille, avec, on vous mettra le lien dans l'émission et la chatroom. Pour les ustensiles en céramique, elle donne un autre exemple. Et s'il s'agit que Dictatube refasse sa batterie de cuisine à moindre coût, il existe de nombreux diffuseurs adaptateurs. Astuce, passer à l'induction sans changer de casserole. Et là, elle nous met un lien vers un diffuseur. Alors, ces trucs-là, c'est un peu de la triche, hein. C'est des fonds, en fait. C'est comme un fond de casserole qu'on met entre la casserole et et la plaque. Ouais. Mais ça ne répond pas à la question, c'est juste Alma Moka qui avait envie de nous en parler. Ok. Ben voilà, c'était à peu près tout pour le quiz. Donc continuez à participer par tous les moyens possibles et imaginables. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de faire des expériences comme David Loureiro, n'hésitez pas. Et puis on tâchera de vous faire une belle réponse dès qu'elle sera faite, j'ai envie de dire. Et du coup, on passe au blog audio. Ouais, ben on l'écoute tout de suite, on commente après. Allons-y. Spécial anti-neuromythe par The Chipili sur le webinaire des curiosités. Il y a des croyances qui ont la vie dure, particulièrement en neurosciences. Dans une conférence à l'École normale supérieure, la chercheuse italienne Elena Paschinelli passe en revue une demi-douzaine de ces neuromythes qui résistent à l'usure et aux réfutations, et elle tente de comprendre ce qui fait le succès de ces nouveaux kystes culturels. Comme sa conférence dure 2 heures, je vous propose une petite synthèse agrémentée des recherches que j'ai faites pour compléter le sujet. Mythe numéro 1, l'effet Mozart. En 1993, une publication dans Nature faisait état d'un résultat étonnant. Les chercheurs y observaient que les étudiants résolvaient un peu plus facilement des problèmes de repérage dans l'espace après avoir écouté une sonate de Mozart. L'amélioration portait uniquement sur des tâches spatiales et se dissipait au bout de 10 minutes. Mais pour le très sérieux New York Times, on venait de démontrer qu'écouter du Mozart rend plus intelligent. Au sein de la communauté scientifique, le résultat prêta d'emblée à controverse. Tandis que les mêmes chercheurs confortaient leurs résultats avec des enfants d'âge préscolaire, d'autres études échouaient à reproduire le phénomène. En 1999, une méta-analyse portant sur 16 études similaires concluait que l'effet était au mieux insignifiant. Les chercheurs reconnaissaient bien volontiers l'effet positif de la musique sur l'humeur et la concentration, mais en aucun cas qu'elle puisse améliorer le QI. De nombreuses études sont venues depuis conforter cette idée. Affaire classée ? Pas du tout. Rien ne pouvait plus arrêter l'effet Mozart. 1,8 million de résultats sur Google. On vit fleurir des témoignages de son efficacité sur la production des vaches laitières, la croissance des prématurés, le goût des bananes, la protection des vignes, jusque dans les stations d'épuration où l'on remarqua que les bactéries se montraient beaucoup plus efficaces lorsqu'on les sonorisait avec la flûte enchantée. Mais c'est surtout son effet supposé sur la santé des nourrissons et des enfants qui a fait le grand succès de l'effet Mozart. Le sujet des enfants est quand même beaucoup plus porteur que celui des étudiants, et l'on vit fleurir CD et livres sur le sujet, et même des ceintures musicales pour femmes enceintes. En 1998, le gouverneur de Géorgie proposa même d'offrir un CD de musique classique à tous les nouveau-nés de son état. L'histoire veut même qu'il appuie à sa démonstration au Parlement en passant l'hymne à la joie de Beethoven. Avant de demander aux députés « Est-ce que vous ne vous sentez pas plus intelligent après ça ?» Le pauvre homme n'avait pas dû écouter suffisamment de Mozart quand il était petit. L'effet Mozart est à présent un peu passé de mode, mais d'autres candidats sont prêts à prendre la relève sur des thèmes bien d'actualité. Vivaldi est, paraît-il, excellent pour améliorer la mémoire, aussi bien des jeunes adultes que des personnes âgées. Mythe numéro 2, le cerveau se développe et s'entretient comme un muscle. Tapez Brain Training sur Google et vous obtiendrez pas moins de 200 millions de résultats. Dans la veine du mythe précédent, quantité de méthodes proposent de muscler sa mémoire et d'entraîner son cerveau en lui faisant faire des exercices quotidiens dont la difficulté augmente progressivement. Ces techniques supposent que les capacités générales du cerveau peuvent se développer avec un peu d'entraînement, comme le reste du corps. L'idée est séduisante et intuitive, et comme toujours, elle contient une part de vérité. À force de faire des sudoku, vous serez sûrement de plus en plus rapide pour les terminer, et plus vous jouerez à memory, meilleur vous serez à ce jeu. Mais aurez-vous amélioré vos performances cérébrales générales, ou seulement celles qui concernent le sudoku ou le memory? Les réponses obtenues jusqu'ici ne sont malheureusement pas très optimistes sur le sujet. À la fin des années 70, un étudiant américain était devenu, à force d'entraînement, champion toute catégorie en mémorisation des nombres. Après 320 heures de pratique, jour après jour, sa capacité de mémorisation était passée de 7 à 79 nombres. Était-ce sa mémoire de travail qui s'était améliorée, ou simplement sa capacité à imaginer des liens mémotechniques entre les nombres successifs, comme l'affirme Daniel Tammet, lui-même autiste savant? Pour le savoir, les chercheurs lui ont fait passer le même test en remplaçant les chiffres par des lettres, et l'étudiant n'a été capable de mémoriser que des séries de 6 lettres maximum. Sa mémoire de travail globale ne s'était donc pas améliorée. De la même manière, on a remarqué que les joueurs d'échecs experts sont capables de mémoriser en 5 secondes les positions précises des pièces sur l'échiquier. Meilleure mémoire spatiale? Pas du tout. Lorsqu'on demande à ces mêmes joueurs de mémoriser un échiquier sur lequel les pièces sont disposées au hasard, donc dans des positions irréalisables en cours de partie, leurs performances de mémorisation ne sont pas meilleures que celles des débutants. L'analogie du cerveau et du muscle est donc trompeuse. Devenir expert dans une tâche cérébrale ne suffit pas à développer les capacités générales de son cerveau. Même les prix Nobel peuvent être à côté de la plaque lorsqu'ils s'expriment sur des sujets dont ils ne sont pas les experts. Maurice Allais, prix Nobel d'économie lorsqu'il remettait en cause la théorie de la relativité, ou James Watson, prix Nobel de médecine lorsqu'il tenait des propos épouvantablement racistes. Mythe numéro 3. On n'utilise que 10% de son cerveau. Il faut avoir passé les 20 dernières années sur Mars pour ne jamais avoir entendu cette phrase. La requête 10% of brain renvoie 177 millions de résultats sur Google. L'origine de cette histoire est assez floue. On l'attribue tantôt à Freud, tantôt à Einstein. Il est probable qu'aucun des deux ne se soit jamais prononcé sur le sujet. À moins qu'elle n'ait été inspirée par ces rats dont la mémoire était préservée alors qu'on avait détruit 90% de leur cerveau. Bien que les IRM montrent depuis longtemps que tous les neurones sont actifs, à un moment ou à un autre, ce mythe a la vie dure. Sans doute parce que, comme le mythe du cerveau muscle, il renvoie l'idée flatteuse que nous avons tous un gigantesque potentiel cérébral inexploité. Peut-être que les images des publications scientifiques, montrant de toutes petites zones du cerveau en couleur et le reste en gris, confortent aussi cette idée. On a tendance à prendre ces images pour des photos, alors qu'il s'agit d'une visualisation purement statistique de l'activité cérébrale. Mais là encore, il y a un petit peu de vrai derrière la légende si l'on en croit le neurologue Richard Sitovich. Selon lui, on a certes besoin de tous nos neurones, mais leur consommation énergétique serait trop importante s'ils fonctionnaient tous en même temps. Du coup, nos différentes cellules neuronales alternent phases de repos et d'activation, de sorte que seules 5 à 15% d'entre elles sont actives à un instant donné. Mythe numéro 4, tout se joue avant 3 ans. Dans la même veine que l'effet Mozart, il existe la croyance que certains apprentissages doivent se faire idéalement avant 3 ans. Ce serait le cas de l'apprentissage de la musique, d'une seconde langue native, etc. Là encore, remarque Elena Pasquinelli, il y a bien un fond de vérité dans la notion de période critique. Durant les 12 à 16 premières heures de leur vie, les bébés wa suivent le premier objet en mouvement qu'ils voient. Généralement, c'est leur mère, mais s'il s'agit d'un ballon, l'oison le suivra dans tous ses déplacements, avec amour. De même, si l'on prive un raton de l'usage de ses yeux pendant ses premières semaines de vie, il restera aveugle le reste de son existence. C'est ainsi créée l'idée que les parents doivent absolument stimuler leurs enfants dès leur plus jeune âge pour éviter de louper ces fameuses périodes critiques. Une aubaine pour les marchands de jeux d'éveil qui oublient de rappeler que les périodes critiques concernent toujours les compétences fondamentales d'une espèce. Pour Homo sapiens, ce sont les capacités de parler, marcher, voir, etc. et certainement pas de faire des maths ou de jouer du piano. D'ailleurs, la lecture et l'écriture s'acquièrent bien après 3 ans. Et l'on est tout à fait capable d'apprendre à l'âge adulte, quel que soit le domaine. Contrairement à une autre légende voulant que les neurones ne se régénèrent jamais, une célèbre étude sur le cerveau des apprentis taxi-londoniens a montré que leur hippocampe augmente de volume à mesure qu'ils mémorisent les 25 000 rues de Londres. Et la capacité du cerveau des adultes à récupérer après une lésion cérébrale est impressionnante. Cette remarquable plasticité cérébrale a d'ailleurs donné lieu à un technomythe complémentaire du précédent. La pratique intensive et dès le plus jeune âge des outils du numérique aurait transformé le cerveau des générations Google, les dotant d'une immense faculté à faire du multitasking, contrairement à leurs aînés. Malheureusement, l'expérience montre que les as du clavier ne sont pas plus doués que les autres pour maintenir leur attention sur deux choses simultanément. Mythe numéro 5, cerveau droit, cerveau gauche. Êtes-vous plutôt cerveau droit, c'est-à-dire créatif, synthétique, doué d'une vision globale et plutôt émotionnelle, ou bien cerveau gauche, analytique, rationnel et verbal? Depuis qu'on a découvert la spécialisation de certaines zones du cerveau et les effets étonnants de la déconnexion des deux hémisphères, il s'est échafaudé une véritable mythologie autour de ce phénomène. Pour rééquilibrer l'activité de vos deux cerveaux, vous pouvez au choix pratiquer la respiration alternative, l'alignement alpha, les exercices de bien-être quantique, etc. Oubliant que nos deux cerveaux travaillent toujours de concert et que rien n'indique le moindre déséquilibre de l'un sur l'autre chez un individu sain, quel que soit son caractère. Mais nous sommes tellement avides de liens de causalité qu'on ne peut s'empêcher de faire le lien entre l'image d'un cerveau coupé en deux et deux grands types classiques de personnalité. Le point commun de tous ces mythes. Malgré tous les démentis, toutes les mises au point répétées par les scientifiques, ces neuromythes restent solidement ancrés dans les esprits. La recette de leur résistance est finalement assez simple. Ils combinent tous sensationnalisme, fond de vérité et un puissant pouvoir explicatif. Les images colorées des zones actives du cerveau semblent des démonstrations inattaquables. On voit le cerveau en action. Et comme l'a dit Herbert Simon, « You can't beat something with nothing ». Une fois qu'on a trouvé une réponse simple à nos questions, il est extrêmement difficile d'y renoncer, surtout si l'on n'a pas d'explication alternative très claire en échange. C'est le principe même de la superstition. Reste à comprendre pourquoi les neurosciences donnent lieu à autant de mythes. Au-delà de l'engouement pour une discipline jeune et en pleine révolution, ces neuromythes traduisent les angoisses de notre époque. Après avoir fantasmé sur la technologie, le chat dans le micro-ondes, le coca qui dissout un morceau de viande, ou les téléphones mobiles qui font cuire du pop-corn, nous avons besoin de nous rassurer sur nos capacités intellectuelles. Les neuromythes, explique Elena Pasquinelli, nous décrivent comme des génies méconnus, auxquels il suffirait d'un peu d'entraînement pour qu'ils révèlent toute leur puissance au grand jour. Et ça, c'est finalement très désangoissant. Vous venez d'entendre spécial anti-neuromythe 1 et 2, publié les 9 et 15 février 2014 par The Chipili sur son blog, le webinet des curiosités, webinet.café-science.org, et interprété par The Chipili lui-même, Julie et Alan, le 16 mars 2014. Super. Oui, non, ce qui est rigolo, il est encore là, Nicolas, ou il est parti? Je viens de revenir en fait. Ah, tu viens de revenir. Alors je sais pas si t'as entendu, mais c'est assez rigolo parce que je trouve que là, une des dernières remarques qui a été faite, ça va, je trouve, dans un sens que un truc que je me dis régulièrement, qui est que la science, le côté abstrait des maths, etc., sans images, machin, peut en fait, les autres sciences, on peut avoir l'impression que c'est plus simple de les vulgariser parce qu'on a des images, etc. Et en fait, là, justement, on a la démonstration aussi que ça peut piéger, quoi. Là, le truc qui était dit sur le coup du cerveau, on voit des images, on a l'impression de comprendre comment ça fonctionne. Ça peut aussi être un piège pour faire comprendre le truc qui est quand même nettement plus subtil, quand même. C'est vrai qu'en neurosciences, il y a d'ailleurs un grand nombre d'études qui pullulent et qui montrent finalement les aires cérébrales qui s'activent lorsqu'on fait telle ou telle chose ou lorsqu'on pense à telle ou telle chose. Et il se trouve que expérimentalement, c'est pas si difficile que ça de mettre en évidence ce genre de choses. Le problème, c'est que ça n'a effectivement aucun pouvoir explicatif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu les aires cérébrales qui s'allument lorsqu'on fait telle ou telle chose, on n'a pas découvert grand-chose. Et ce qu'il faut derrière après, dans un second temps, c'est arriver à raisonner sur ces résultats-là pour forger des hypothèses qu'on va pouvoir tester après, etc. Donc ça, c'est tout un autre pan des neurosciences qui est beaucoup plus difficile et qui malheureusement n'est pas très incarné dans les publications qu'on voit fleurir en ce moment en neurosciences, où c'est la plupart du temps effectivement des aires qui s'allument. Ce qui est amusant de voir, c'est que non seulement ça a un pouvoir de séduction vis-à-vis du grand public, mais ça a aussi un pouvoir de séduction vis-à-vis des chercheurs, parce que encore une fois, il y a énormément de publications en neurosciences où on se contente finalement de dire ah bah c'est telle et telle zone qui s'allume lorsqu'on pense au chocolat noir ou ce genre de choses, quoi. Donc ça contamine aussi la communauté scientifique. Il n'y a pas uniquement le grand public qui est concerné par ça, et c'est assez amusant de le noter. Ouais, on a d'ailleurs fait quelques épisodes sur les réflexions, sur les modèles, justement, les frameworks interprétatifs, enfin, quelles sont les limites, quoi, des explications qu'on peut donner à ce type d'expérience. Juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc on trouve la liste des morceaux qui ont illustré ce blog audio dans le petit billet qui est dédié au blog audio qu'on trouve dès maintenant sur podcastscience.fm. Ok, Dictatup, la suite. On va passer à la suite. Donc, on retourne sur les émissions précédentes. Alors, heureusement, on a un peu moins de retours que les fois précédentes, parce qu'il y a eu moins de gros dossiers, etc. On a quand même eu l'épisode d'Irène sur les hormones, où on a plusieurs retours. On a d'abord Maxime. Salut à toute l'équipe. Comme vous avez dit d'envoyer un message, alors je fais. Le dernier podcast sur les hormones était un peu difficile, mais Irène a très bien expliqué. J'ai réussi à suivre, c'était super intéressant. À un moment, elle a parlé de glucose et de glycogène, j'aimerais bien en savoir plus là-dessus, sur comment fonctionnent les muscles. Sinon, David a parlé plusieurs fois de faire un dossier sur c'est quoi la science, ce serait bien aussi. Et puis je suis aussi partant pour des dossiers sur des maths. Je viens de voir que dans une semaine, c'est sur la simulation numérique. C'est super, à plus, Maxime. Bon, ben, je note sur le glucose et le glycogène, peut-être que je... À voir, effectivement. En tout cas, merci. Merci, Maxime. Ok, sinon on a Thomas Privat qui a participé aussi, qui nous dit « Hello, je tiens à féliciter Irène pour cette vulgarisation hormonale. L'endochronologie est extrêmement complexe et il est ardu d'essayer de généraliser le fonctionnement des hormones dans le corps humain. Jeune étudiant en médecine, j'ai toujours beaucoup de mal à me représenter les interactions entre les différents organes sécréteurs et le rôle des différentes hormones. En écoutant le podcast, je me suis souvenu pourquoi. Même lorsque c'est présenté avec une grande clarté, l'endochronologie, c'est l'enfer. Oui. Je reviens sur le travail d'Irène Rienko, qui a dû en laisser plus qu'un perplexe quant au côté vulgarisation, mais on ne pouvait pas faire moins. Elle a su nous épargner les mécanismes de feedback et autres facteurs environnementaux, et elle a quand même insisté sur le fait qu'une hormone n'a pas un seul rôle. Énorme travail que je salue, mais... Et c'est une vraie interrogation, malgré cette simplification à l'extrême, cela a-t-il parlé aux poditeurs? En tout cas, j'espère entendre Irène sur d'autres sujets, ou le même, et je pense que sa mise en place du système endocrinien pourrait rendre service à de nombreux étudiants en médecine ou en biologie. Pour moi, c'est trop tard, j'ai dû me contenter de la version difficile. Merci encore. Je suis très flattée, merci beaucoup. Et puis oui, il y aura d'autres dossiers sur les hormones, effectivement. Et du coup, bah, y a Topo qui a enchaîné là-dessus. Je plus sois, c'est vraiment un sujet ultra casse-gueule, et Irène a vraiment réalisé un travail colossal pour simplifier au mieux. C'est sûr, le résultat n'est pas limpide, mais il s'en est dégagé de nombreux messages simples et clairs. Félicitations, Irène. Puis, merci encore. On a un message de dernière minute d'Alma Moka. Alors, merci à notre prêtresse pour l'agilité. Elle arrive à intégrer les contributions des... Ouais, elle est totalement incroyable. Je le répète, moi je n'ai rien foutu pour cet épisode. C'est extrêmement agréable. Alan et Julie, en plus, qui a aussi participé au blog audio, ont fait le blog audio, mais globalement, elle a fait un travail de coulisses extrêmement incroyable qu'il faut souligner à chaque fois. Jusqu'à la dernière seconde, donc, puisqu'elle a intégré maintenant à la volée le message d'Alma Moka qu'on a reçu dans l'intervalle, qui dit « Bonjour Dictatup et la Dream Team Podcast Science. Le numéro 164 était un sujet plutôt dense et compliqué, mais Irène s'en est sortie avec maestria. Une deuxième écoute avec la carte routière du cerveau et les schémas du dossier, et c'est devenu plus limpide. Le fonctionnement et les modes de régulation des hormones, à expliquer, ça semble pas la simplicité. Ça me fait penser à la complexité d'une usine à gaz. Heureusement que, lorsqu'on est en bonne santé, on ne s'occupe pas de son système endocrinien qu'en regardant de près les résultats de ses analyses de sang. On ne s'occupe de son système endocrinien qu'en regardant de près les analyses de les résultats de ses analyses de sang. Les anecdotes et le petit accent d'Irène sont sympas. Bon, sinon, on a un long commentaire de Dimitri sur le dossier de l'épisode 162 sur le sexe et l'évolution, qui dit « Super dossier, bravo Billy ». Voilà, on avait fait beaucoup de retours sur le sexe et l'évolution dans le précédent freestyle, donc on n'a pas d'autres nouveaux retours. Et voilà pour les retours de dossier, donc n'hésitez pas à nous faire d'autres retours, on les lira. Et puis, on va passer aux messages divers et variés. On a un premier message de Geekcode. Oui, qui dit tout d'abord un grand merci pour ces podcasts, cette bonne humeur, je suis fan, c'est hallucinant. J'essaie de rattraper à partir du 145 qui coïncide plus ou moins avec la nouvelle formule que j'adore. Mais je ne connais pas l'ancienne. J'adore ces épisodes freestyle, de la bonne humeur en barre. Il est bien tard aujourd'hui et j'ai dû revenir à l'atelier pour continuer mon travail. Et grâce à vous et l'épisode 156, cela a été très agréable. Merci, merci, merci. La bonne humeur est géniale et merci d'essayer de nous expliquer des choses tout simplement. Je n'en ai pas écouté beaucoup pour le moment, mais je vais essayer de rattraper petit à petit. Bonne continuation. Moi, je retourne bosser avec l'épisode 157. Bisous à tous et à toutes. Et merci d'avoir eu la patience de lire jusqu'au bout. Aude ou Geekcode sur Twitter. Ben voilà, c'est très sympa comme message. Ça fait plaisir. Oui. N'hésitez pas à nous faire un retour sur la formule freestyle. On a fait ça parce qu'il y avait plein de gens qui en avaient marre des commentaires dans les émissions après les dossiers. Donc voilà, il faut que j'arrête de parler. On a Alfeto qui nous dit « Salut à tous, je viens d'entendre le dernier freestyle. J'ai encaissé le dossier sur l'écho avec courage jusqu'au bout, même si j'ai pesté toutes les 5 minutes de ne pas être avec vous pour contre-argumenter quand mes derniers cheveux se dressaient sur mon crâne. Pour une fois, j'ai gardé ferme mon robinet à fiel. C'est dur ça pour moi. Et je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul à rester très sceptique sur la plupart des points. » Par contre, entendre quelqu'un en parler de cette façon est un peu rassurant. Il y a donc encore au moins un économiste, pas pourri jusqu'à la moelle, qui semble enthousiaste et loin des clichés sur les gens de sa caste. Et de plus, un qui a le courage de se frotter à un public plutôt hostile pour tenter de nous initier à ses cordes. Par contre, je viens d'entendre Xil proposer qu'il revienne, faut pas pousser quand même. Sinon, vous allez finir par inviter des agents immobiliers ou des assureurs qui tenteront de nous faire croire qu'ils sont des altruistes et qui bossent dans l'intérêt de leurs pigeons clients. Autre chose, proposition d'info au Intox. Une savonnette dans les draps permet de prévenir les crampes nocturnes dans les jambes. Croyance populaire persistante qui me laisse sceptique, mais soutenue mordicus par les gens qui ont ce genre de problème. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, bien sûr. Ma belle-mère te soutiendrait jusqu'au dernier souffle qu'elle ne peut pas réussir de mayonnaise pendant ses règles. Voilà, merveilleux message de le Feto. D'Alefto. Des commentaires là-dessus? Moi, j'avais entendu le coup de la mayonnaise, effectivement. En revanche, le coup de la savonnette, la mayonnaise pendant les règles, j'avais jamais entendu. C'est vrai, ça, moi, j'ai entendu plusieurs fois. Hein. Oui. Ça doit être à peu près aussi vrai que le fait les naissances pendant la pleine lune, je pense. Sinon, on a un commentaire de J. Chewy qui dit « Salut, j'ai entendu Alan se demander pourquoi les Français avaient des phares jaunes. Il me semble que c'est la date de la Deuxième Guerre mondiale durant l'occupation de la France pour éviter que les bombardements alliés nocturnes n'atteignent les voitures françaises mais se concentrent sur les convois allemands. » En fait, je me permets une petite parenthèse. Du coup, permettait de bombarder tout le reste du monde. Mais enfin bon, tout ceci est évidemment à vérifier et pourrait être l'objet d'un quiz du mois dans une future version junior du podcast. On ne commence jamais assez tôt à secouer ses méninges. G. Chewy, qui sert la science sur un plateau à ses élèves, et c'est sa joie. Bah, ça fait plaisir. Et alors, c'était une réponse qu'on avait mis dans un bonus, je crois, pour faire une petite pub pour les bonus qu'on met parfois. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas si vous avez remarqué, en fait, mais il faut écouter l'émission après le générique de fin, parce que depuis quelques... C'est comme dans les vieux CD, il y a des bonus tracks. C'est ça. Mais ça fait quoi? Ça doit faire 3 mois, quelque chose comme ça. En fait, ouais, c'est toi qui as lancé le truc quand t'as commencé à faire des montages. Ouais, que quand j'avais des choses que je voulais couper, mais que c'était dommage de les virer complètement, ben je les mettais à la fin. Et puis, Des gens s'en sont rendus compte. Ouais. Du coup, on a gardé enfin, c'est devenu un standard maintenant dans les montages. Il y a toujours un truc à écouter après le générique de fin. Voilà, si on a un petit message d'Anthony. Bonjour. Tout d'abord, je suis un très grand fan de votre émission. Elle est propre et pleine de bonnes ressources. Ça fait plaisir à voir. Je crois que vous venez pour la plupart de Suisse. Alors, je m'empresse de corriger. Il y en a un qui vient de Suisse. Pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, certes, mais... Et il n'est même pas à 100% suisse, alors je vais vous dire. Et en plus, il n'est franchement pas terriblement suisse, hein, si on creuse un peu. Bref, sur un forum où j'aime participer, j'ai vu un très bon contributeur venant de Suisse. Je me disais que vous auriez sûrement de bonnes choses à tirer de cette rencontre. Le forum dont je parlais, Science Amusante. Et il donne l'adresse. Ouais, j'avoue que j'ai cliqué sur le lien. Le premier truc qu'on me demandait, c'était de me créer un profil. J'avais pas le temps, je suis parti. donc voilà. Mais ce serait intéressant, Anthony, si tu peux nous dire qui est le... Ben, parce qu'en plus, je me suis dit, attends, voilà, je vais me créer un profil, ça va me prendre une heure, je vais me loguer, puis je vais me retrouver sur un forum et je saurais pas qui je dois chercher. Donc, si tu peux juste nous donner le pseudo de ton copain suisse, si ça se trouve, je le connais. Parce que la Suisse, c'est petit, quoi. Ouais, c'est tout petit, on se connaît tous, en fait. Un petit message d'Alma Mocha. Alors, Alma Mocha, apparemment, c'est pour David. Alors, le message est bref. On a été sevrés de podcasts Science 165 et 166 à Caen dans nos oreilles. Bonne émission freestyle à tous et toutes. Alors, pour moi, ça veut dire... C'est un peu du chinois. Je vois pas du tout ce que ça veut dire, tout ça. Bah, ça veut dire simplement que ça fait 2 semaines que nos auditeurs qui ne nous suivent pas en live ont été privés de podcast Science. Parce que David a du retard dans le montage de l'épisode 165, qui n'est toujours pas publié. Et puis Nico a publié le 166 aujourd'hui, dans l'après-midi, ça fait rare. Voilà, donc, le 165, a priori, arrive ces jours-ci aussi. Ouais, il devrait pas tarder. David a pris un peu de retard, mais là, il s'est auto-puni pour le finir, donc je pense que ça va arriver assez vite. Ouais, si ça se trouve, le 167, c'est-à-dire celui-ci, arrivera. Ouais, c'est un peu le challenge, que tu le fasses arriver avant le 165. C'est moi qui m'occupe du montage, ça va venir samedi. Ouais, non, faut que tu publies avant, quoi. Ouais, j'arriverai pas avant. Ok, bah super. Donc, continuez à nous envoyer des messages, ça fait toujours très plaisir. Et à nous faire des retours sur les épisodes. Hein. Pour l'économie, bah, on verra. Nous, on est quand même toujours curieux. On n'a pas été forcément tous très convaincus, mais on est toujours curieux. Donc, c'est intéressant de continuer à le fouiller. Alors, passons au pitch de la semaine prochaine. Je laisse la parole au grand Robin. Je sais calculer la vitesse et l'instant où une pomme lâchée touchera le sol. Je sais prévoir où la Lune se trouvera dans 100 ans, dans 1000 ans. Ayant une connaissance parfaite de l'univers à l'instant présent, je connais aussi parfaitement le passé et le futur. Je suis un esprit surpuissant imaginé par Lagrange, et je veux m'en prendre plein la gueule la semaine prochaine. Le chaos débarque, mais rassurez-vous, il n'est pas si méchant en vrai. C'est parfait comme teaser. J'ai rien compris. Tu vas nous parler du chaos, c'est ça, la théorie du chaos? Ouais. T'as rien compris, ça va bien. Oh. Alors, tu vas nous faire un dossier chaotique. Il nous dit, on faisait des sciences en étant certain de ce qui allait arriver à un moment, et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui amène le bordel, quoi. Un peu les matheux qui arrivent dans Podcast Science, ouais, si tu veux, en manière... Je vois. Ok, on passe à la côte. Alors, de tradition, c'est notre invité qui amène une côte. Je sais pas si Nicolas a fait son job. J'ai fait mon job. Merveilleux. On a quand même de chouettes invités. Ouais, quand c'est toi qui choisis. Hein. Ouais. Vous avez vu les matheux? Les gens font leur job. C'est quand même merveilleux. Donc, la quote, on t'écoute. Les deux ailes de l'intelligence sont l'érudition et l'amour. Oh. C'est une phrase qui a été écrite par un intellectuel colombien qui est mort en 94. C'était quelqu'un qui s'appelait Nicolas Gomez Davila, quelqu'un qui était plutôt de droite, hein, plutôt classé comme réactionnaire. même si rétrospectivement c'est toujours compliqué de d'opérer ce type de jugement, lui-même se définissait comme un réactionnaire. Et qui, je le dis au passage parce que c'est quand même ce qui le caractérise le plus. La plupart de ses écrits sont empreints de cette façon de penser, mais il se trouve qu'il a écrit de très très belles choses. Et cette phrase, je l'aime énormément. Pourquoi ? Parce que on est censé expliciter pourquoi on a choisi une cote ou pas forcément, mais c'est très agréable. je vais faire rapide, mais non, c'est ça, simplement pour dire que donc de façon complètement intuitive, c'est une phrase qui me touche depuis très longtemps, qui est classée dans mon petit dictionnaire de citations préférées. Après, de façon plus intellectuelle et pour rattacher tout ça à la science, c'est intéressant parce que l'intelligence, on en parle beaucoup aujourd'hui dans l'écosystème scientifique. Peut-on l'augmenter ? Peut-on la travailler ? Peut-on la faire évoluer ? Avant tout, c'est intéressant de noter que l'intelligence, elle est définie par les scientifiques qui travaillent sur la question comme la faculté de résoudre les problèmes qui se posent à l'être humain. Alors, il y a mille et une définitions de l'intelligence, bien évidemment, mais la définition la plus simple, la plus opérante, rapidement en tout cas, c'est celle-là. Et ça signifie quoi du coup ? C'est que s'il s'agit de résoudre les problèmes qui se posent à soi, et s'il s'agit de résoudre les problèmes qui se posaient à l'être humain il y a des milliers, des millions d'années, eh bien, ça signifie que comme on vivait évidemment dans des petits groupes humains qui ne dépassaient pas les 100 à 150 personnes, il fallait bien évidemment être intelligent de façon avec cette dimension un peu d'érudition, savoir tailler un silex, savoir faire des choses comme ça un petit peu difficiles, un petit peu compliquées. Mais il fallait aussi être capable de comprendre l'autre, et la dimension évidemment de l'empathie était cruciale. Comprendre les intentions d'autrui, arriver à détecter ce que ressent autrui pour pouvoir prédire ses actions, et donc aussi quelque part se préserver soi-même, savoir si l'autre est en colère et s'il a envie de nous mettre une droite, ça peut être utile éventuellement, mais ça peut être aussi utile pour nouer des rapports de solidarité, de proximité avec l'autre. Et donc finalement, l'intelligence, cette aptitude à résoudre les problèmes qui se posent à soi, on comprend bien que d'un point de vue scientifique, eh bien, elle regroupe à la fois l'expertise, je sais tailler un silex, mais aussi la faculté de comprendre l'autre. Je comprends ce que ressent l'autre, je comprends ses émotions, et donc, et c'est ce que j'entends, et c'est ce que je relis finalement à cette idée de l'amour qui est mentionnée dans la citation que j'ai dite tout à l'heure. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais voilà, je voulais simplement évoquer le fait que cette phrase est intuitivement intéressante, et aussi je trouve qu'elle a un fondement scientifique tout à fait intéressant et pertinent. J'avoue, j'ai rien à rajouter. Je crois que Tup avait une deuxième quote, c'est ça ? Ouais, j'ai lu cette quote aujourd'hui et je trouve que là, elle se passe bien avec tout ce qu'on a pu débattre sur la science anglo-saxonne, la vulgarisation anglo-saxonne, et, enfin anglophone et francophone. C'est une citation de Winnie l'ourson en plus qui dit « Tellement plus agréable de parler avec quelqu'un qui n'utilise pas de grands mots difficiles mais des mots très courts comme si on les mangeait. » Comme si on les mangeait ? Comme et si on mangeait, excuse-moi. Comme et si on mangeait. Merci de cette intervention tout à fait nécessaire. Je trouvais que ça avait ce côté, utilisant des mots simples. D'accord, ouais, non, franchement, on vient de parler d'érudition, d'amour, d'intelligence, de partage. Oh, c'était très beau, c'était un moment très intense. Je me suis mis un défi vis-à-vis des côtes, toujours dans la dénaturisation de ton podcast. Ouais, c'est ça. Après avoir cité Depardieu, je cite Winnie l'ourson, Ça va de mieux en mieux. Je commence à me demander si je ne me suis pas fait avoir quand même. par C'est ton choix. Ouais. L'offre de reprise était biaisée. Good. Bon, dictatube, fais ton boulot. La suite. La suite, c'est les plugs et liens évoqués. Ok, c'est juste les plugs, en fait. D'abord, un petit truc à vous faire écouter. Achanta, tu dois. Madarjeu, vraiment, mais à l'astuce corval. En breton aussi, on peut faire de la science et servir la science avec joie. D'ailleurs, je suis prof de maths en breton. Et c'est en allant au collège que j'écoute Podcast Science dans ma voiture. Alors, comment dit-on que servir la science soit votre joie en breton ? C'est une bonne question. Ravo plijadur us deor servijar skiant. Voilà comment on dit. Allez, kenavo ! J'adore. Donc là aussi, peut-être pour expliquer le concept en deux mots à Nicolas, depuis quelques temps, on lance comme ça un petit mantra à la fin de chaque épisode, que servir la science soit votre joie, c'est un clin d'œil aux disciples de Léonard. Et depuis quelque temps, on a des contributions des auditeurs qui parlent d'autres langues et puis qui ont traduit ce petit slogan, donc que servir la science soit votre joie. Là, c'était en breton. Je crois qu'on arrive au bout des contributions en réserve, donc allez-y, chers auditeurs, ne vous privez pas si c'est pas une des langues qui a déjà passé. Donc pour le moment, on a eu l'espagnol, on a eu cette langue bizarre de Guyane dont je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je vais me faire taper sur les doigts par notre amie Hélène. On a eu du portugais la semaine dernière. Bon bref, donc là on a eu du breton et puis on est ouvert à toutes les contributions. Donc n'hésitez pas, allez-y. Sinon, une deuxième chose à signaler, c'est le jeudi 27 mars à 18h30 à l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris, donc dans le 5e, la Lévitation. C'est un fantasme à l'interface entre art, science et illusion. Il s'agit de rester en l'air sans appui ou lien matériel, suspendre sans aucun contact physique, défier la gravité et s'affranchir, et s'en affranchir, s'élever. Donc vous êtes tous invités à venir léviter avec l'équipe de l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes lors de leur soirée spéciale le jeudi 27 mars de 18h30 à 22h. L'entrée est comme toujours libre et gratuite. C'est dans ces moments-là que je regrette d'être à 500 bornes de Paris. Ça doit quand même, ça doit être super de pouvoir aller léviter à l'Espace des Sciences. C'est tout à fait. On a reçu un message que notre prêtresse a oublié et puis qu'elle nous glisse vite comme ça, qui dit « Merci pour vos podcasts, je me remémore certains cours de licence et master grâce à vous. Par contre, comment on fait signe comment pour l'apéro du 12 avril ?» Alors, ouais, c'est juste le 12 avril, donc on fait un apéro à Lyon. Ça se fait à l'initiative de David Loureiro. Pour le coup, je me déplace, il y aura plein de monde, il y aura tous les blogueurs de sciences de Lyon, il y en aura quelques-uns qui viennent d'un peu partout, en fait, de Grenoble, de Genève. Ça va être la fête, je ne sais plus combien on est aux dernières nouvelles, 15 ou 16 personnes. Ça va finir dans un bouchon lyonnais, évidemment, et ça se passera le 12 avril. Alors, pour vous inscrire, c'est tout simple, soit vous envoyez un tweet à David Loureiro ou alors chez nous, à Podcast Science. Enfin, je dis un tweet, ça peut être n'importe quelle forme de message. Vous pouvez utiliser notre adresse email, podcastscience@gmail.com, le formulaire de contact sur le site, Facebook, Google+, Twitter, enfin, tous les liens qu'on trouve sur l'internet mondial, tous les moyens de nous joindre. Si vous voulez vraiment être sûr d'être inscrit, évitez les signaux de fumée, les QR codes, enfin les trucs que vous utilisez pour répondre au quiz. Puis voilà, c'est tout simple. À partir de là, David Loureiro partage avec vous son Google Doc dans lequel tout est expliqué, tout est organisé. Un petit dernier plug avant de conclure. Merci encore à Pascal qui continue à améliorer la chatroom avec des nouvelles fonctionnalités vraiment indispensables, donc c'est cool. Toujours pas de commentaire, Alan ? Non, mais genre, oui, j'ai un commentaire, pas de cote. Bref, pour conclure, comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de Minitel tuné pour Robin envoyé directement au Palais des Sciences à aller Franklin Roosevelt, si je dis pas de conneries, de lapin de Pâques. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'internet mondial. Merci encore à tous nos poditeurs et tristes préférés d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve le 26 mars avec un Robin en pleine forme qui va mettre de l'ordre dans ses idées pour nous parler du chaos. D'ici là, bonne semaine à tous et que servir la science soit votre joie. Bravo, Pligadurus d'or, serviteur skiant. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Le Palais des Sciences. J'ai dit Palais des Sciences ? T'as dit Palais des Sciences. Ah putain ! Bon, tu enregistres pour le montage Palais de la Découverte. Ah, parce que tu crois vraiment que je vais découper, que je vais raccorder tout ça ? Mais oui, bien sûr. Dans tes rêves. Bon, alors, tu fais jamais de commentaires sur ce que fait Pascal, pourtant il se tue à la tâche pour nous, quoi. Mais j'ai fait un commentaire, j'ai dit cote-cote. Je peux pas. Assume tes conneries, vas-y, explique quelle est la dernière trouvaille magique de Pascal dans la chatroom, la dernière fonctionnalité indispensable. Je sais pas, moi j'ai rien remarqué, tout explique a l'air de bien fonctionner. Comment t'as transformé ce podcast qui était un rendez-vous sérieux, fait par des gens sérieux, en une espèce de grand n'importe quoi depuis que t'es dictateur. Vas-y, vas-y. Non, mais moi j'ai rien vu de spécial. À part Pouillot qui dit code-code tout le temps, je comprends pas trop pourquoi. Mais ça vient d'où cette histoire de code-code ? J'ai pas suivi là. Ça vient de la semaine dernière, en fait, où je sais pas qui, c'était Samuel, je crois, qui a voulu parler de poule. Moi, j'ai pas suivi. Alan t'en parlera mieux que moi, parce que moi, je suivais l'émission. Où je crois qu'il parlait de poule, il partageait des images de poule et il disait côte-côte. Bon, d'accord. Non, il disait pas côte-côte, mais effectivement, il parlait de poule. Et du coup, Pascal me dit « Ah, j'ai une nouvelle idée pour la chatroom. On pourrait faire que quand quelqu'un s'appelle Samuel, ça mette côte-côte avant qu'il parle. » Et toi, tu t'es dit, voilà, mon moi, rôle j'ai dit, non, c'est pas une bonne idée, c'est pas ça. Sérieux, on est quand même un podcast sérieux et tout. Là, il m'a menacé, donc j'ai accepté. Bon. J'ai pas, enfin, l'idée, c'était de saboter les interventions de Samuel qui devait dire code-code, mais en fait, la moitié de la chatroom s'est retrouvée à dire code-code sans faire exprès. Non, c'est parce qu'en fait, on peut choisir quelle est la personne à qui on affecte le code-code. Donc, on s'est amusé à l'affecter à plein de monde, en fait. Non, attends, tu vas pas me dire que t'as une interface administrateur. Si. Non, mais non. Si tu fais /admin, tu peux choisir qui c'est qui dit code-code. Non, mais j'y crois pas. Complètement taré, les mecs. Bon, Nicolas, t'as des tarés comme ça dans ton équipe aussi? Bon, on est tous un petit peu givrés, hein. Ouais, mais ça, c'est vrai. mais ça fait partie de la passion et enfin, c'est un moteur, quoi. Si on est complètement normal, je crois qu'on fait pas ce qu'on fait, quoi. Mais il y a des degrés quand même. Non, en tout cas, je trouve que votre communauté est très, enfin, comment dire, c'est agréable d'être là. C'est chaleureux, c'est drôle. Je comprends pas tous les codes et les petits clins d'œil, mais c'est assez sympa. J'aime bien l'expérience. Et puis peut-être, Nicolas, t'expliquer en deux mots ce que c'est que ce mystérieux concept du blog audio. Enfin, tu l'as sans doute compris, je pense. On prend un billet de blog, scientifique bien sûr, et puis on le passe en audio, histoire de faire découvrir un blog à nos auditeurs qui souvent nous écoutent en faisant la vaisselle ou en conduisant ou autre, et qui n'ont pas forcément l'occasion de lire. Du coup, voilà, ça leur donne l'occasion de découvrir une des perles de la blogosphère scientifique francophone, et Dieu sait qu'il y en a. D'accord, c'est un concept intéressant. Ma femme me disait de son côté récemment, ma femme est agrégée de lettres, elle adore les livres, et elle a peu le temps de lire, malheureusement, avec nos trois enfants en bas âge, c'est difficile. Et lorsqu'elle va travailler, elle a une heure de transport, aller, une heure de transport retour, elle est professeure dans un lycée, elle écoute désormais des livres parlés, des livres dits par des comédiens, et elle m'a dit que c'était une façon particulièrement intimiste de pénétrer dans l'esprit des gens qui ont écrit les textes. Et donc, c'est très intéressant d'utiliser le canal audio pour parler de quelque chose qui a été écrit. Donc, ça m'intéresse et ça me touche tout à fait, cette idée de blog audio. Et ça me parle, et je pense que ça parlerait encore plus à ma femme. Je ne sais pas si c'est le petit accent. Est-ce que c'est un accent américain? Je ne sais pas. Ouais, je crois que c'est un peu ça, en fait. Très léger, ouais. Oui, c'est bizarre parce que je peux pas dire bonjour en américain sans qu'on me demande d'où je viens. Et je crois que t'es dans une sorte de parfait entre deux. À mon avis, t'as un accent français quand tu parles anglais et t'as un léger accent américain quand tu parles français. Et oui, c'est voilà. Ouais. Et oui. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup pour les compliments. J'apprécie beaucoup. C'est sympa. J'avais peur. J'aimerais juste savoir, est-ce que tu étais en train de lire autre chose et d'écrire encore une troisième chose en même temps pendant que je parlais? J'étais en train de découvrir le nouveau dessin de Pouillot. Ah. Cerveau droit, cerveau gauche. Magnifique. Merci Pouillot. Et juste une question, ça va durer à peu près combien de temps? Dictatube. Alors, en fait, globalement, ça a duré à peu près une heure. Normalement, on devrait pas être trop long ce soir.